Dino Brosseuse Village. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. L'avenir vous emmène au resto avec son supplément table d'été. Profitez de nos menus au prix estival de 29 euros par personne, apéro et vin compris, dans des restaurants sélectionnés pour vous. À découvrir dans l'avenir ce mardi 21 juin. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Voir Christian Marquet sur un écran aux couleurs éclatantes? Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. La première. Nous y sommes, il est tout juste 9h. Et le journal vous est présenté par Marie Bourguignon. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Trois personnes placées sous mandat d'arrêt chez nous après les 40 perquisitions d'hier. Ce sont des connaissances des kamikazes du 22 mars à Bruxelles. Ils sont inculpés de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. Les Diables Rouges ont fait crier de joie leurs supporters hier après-midi. Dans ce journal, nous ferons le point sur les perspectives des Diables pour la suite de l'Euro, mais aussi sur les réactions qu'a suscité cette victoire dans la presse internationale. Deuxième tour des élections municipales partielles en Italie ce dimanche. Tous les yeux sont rivés sur la capitale, Rome. Le mouvement populiste 5 étoiles avec sa candidate Virginia Raggi pourrait bien faire face à la gauche. C'est l'histoire d'un mec, qui nous a quittés il y a déjà 3 décennies. On commémore ce dimanche les 30 ans de la mort de Coluche. Trois personnes placées sous mandat d'arrêt après les 40 perquisitions d'hier. Trois hommes inculpés de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. Le juge les soupçonne d'avoir projeté des attentats en Belgique. Alors ce matin, Maxime Binet, que sait-on sur ces trois suspects ? Samir C, Mustapha B et Jawad B, trois hommes. Ils ont entre 27 et 40 ans et ce sont des connaissances des kamikazes du 22 mars à Bruxelles. Ces trois suspects arrêtés hier auraient évoqué leur intention de commettre un attentat ce week-end chez nous. Des conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs. Ils parlaient notamment de l'écran géant place Rogier hier pendant le match des Diables. La police les a interpellés hier matin avec d'autres personnes, 12 en tout, dans une vague de 40 perquisitions dans plusieurs villes de Belgique, mais surtout à Bruxelles. Les enquêteurs n'ont retrouvé aucune arme ni explosif. Le juge en a donc mis 3 sous mandat d'arrêt. Les 9 autres ont été relâchés. Maxime Binet avec Simon Bourgeois. Et malgré cette menace terroriste, la fête des fans de foot n'a pas été gâchée hier. Les Diables ont donc fait la différence face à l'Irlande. Une très belle prestation qui les rapproche d'une qualification. Avant de voir les perspectives, on revient sur ce 3-0 d'hier contre l'Irlande. Une victoire aussi pour l'entraîneur Mark Wilmots qui était très critiqué. Si on se fait tailler dans la presse, je pense que... Bon, moi j'y suis habitué, mais les gamins, pas des masses. Donc les gamins, ils ont 25 ans, 26, c'est leur deuxième tournoi, et c'est la première fois qu'ils en ramassent comme ça. Donc on a resserré les liens, on a eu quelques discussions, si bien avec le staff, c'est bien, ça réveille tout le monde, j'ai fait des choix. Mais ici, là, c'est un match complet, de la première à la 90e minute, donc je dis bravo aux joueurs. Et tout va donc se jouer. Mercredi, notre équipe affronte la Suède. Et pour se qualifier, Eric Libois, les Diables doivent simplement faire match nul. Oui, car avec 4 points, les Diables seraient inaccessibles pour la Suède et pour l'Irlande. Ils seraient donc assurés de la deuxième place. La première place, elle, est hors d'atteinte. Elle est dans la poche des Italiens. Mais même en cas de courte défaite contre la Suède mercredi, les Belges pourraient encore finir parmi les meilleurs troisièmes, à condition quand même que l'Irlande ne batte pas l'Italie. Après, il y a les adversaires possibles au deuxième tour. Et c'est là que ça devient cocasse, car cette deuxième place promise au Diable se révèle comme prévu bien plus intéressante que la première. Écoutez bien, si les Diables avaient fini premier, ils auraient dû se farcir l'Espagne ou la Croatie en huitième, puis sans doute l'Allemagne en quart. Tandis qu'ici, avec une deuxième place, on prendra d'abord la Hongrie, l'Islande ou le Portugal en huitième, avant de tirer en quart l'Angleterre, Galles ou la Slovaquie, et l'Espagne seulement en demi. Bref, c'est beaucoup mieux comme ça. En foot, le jeu du qui perd gagne rapporte parfois très gros. Après coup, on pourra peut-être dire que c'était bien de perdre contre l'Italie. Et les plus romantiques oseront même dire que même ça, Wilmots l'avait prévu, que c'était là son plus grand coup tactique. Merci Eric Libois. Et après le match d'hier, les compliments fusent dans la presse et sur les réseaux sociaux. Des compliments qui ne viennent pas que de chez nous. Simon Bourgeois, la presse étrangère aussi, salue la prestation des Belges hier. Le réveil des Diables Rouges, titre par exemple l'Équipe. Oui, le journal sportif français rappelle quand même la panne d'inspiration de la première mi-temps, mais la Belgique a fini par montrer une vitesse ébouriffante en contre-attaque avec un Lukaku particulièrement efficace. Même chose dans les pages du magazine français SoFoot. L'avenir des Belges s'éclaircit. Là aussi, on rappelle les centres médiocres et les mauvaises passes de la première mi-temps. Et puis, le talent a fait son œuvre. 1, puis 2, puis 3-0. Le scénario est idéal. Les Diables font mal. Côté irlandais, on est bon perdant. L'Irish Times souligne quelques décisions de l'arbitre qui pose question. Mais il ne faut pas remettre la faute là-dessus, écrivent-ils. Kevin De Bruyne a été tout simplement époustouflant. Chez les Suédois, notre prochain adversaire, on a aussi regardé le match attentivement, évidemment. La Belgique est réveillée, écrit le plus gros journal du pays. Elle a écrasé l'Irlande. Pour les Suédois qui espéraient une égalité, cette victoire est un cauchemar. Et puis Lukaku est en une du site d'un autre journal scandinave, terrifiant en titre. La Belgique a suscité une vague de peur que les Suédois ont ressentie jusqu'à leur hôtel, écrit le journal. Les Suédois pas rassurés donc avant de rencontrer les Diables mercredi, mais la plupart des journaux rappellent quand même que les Irlandais étaient faibles. Les Belges ont bien joué en deuxième mi-temps, maintenant il va falloir confirmer. Dans le reste du foot, rappelons hier soir le Portugal qui était contraint au partage 0-0 par l'Autriche. Ce n'était pas le jour de Cristiano Ronaldo qui a raté un pénalty. Son équipe devra donc battre la Hongrie au dernier match si elle veut arracher la première place. Ce soir à 21h, on ouvre la ronde des troisièmes matchs de poule. La France a besoin d'un point contre la Suisse pour terminer premier du groupe. Dans l'autre match entre la Roumanie et l'Albanie, chaque équipe sera obligée de gagner. Les grandes villes italiennes doivent se choisir un nouveau maire. C'est en effet aujourd'hui que se tient le deuxième tour des élections municipales partielles en Italie. À Milan, Naples ou encore à Bologne, on vote. Mais aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la capitale, Rome. Là-bas, le mouvement 5 étoiles créé par le comique Beppe Grillo pourrait bien l'emporter sur le candidat de gauche soutenu par Matteo Renzi. Notre correspondante à Rome, Valérie Dupont. À Rome, les partis de droite comme de gauche ont combiné un pasticcio, comme disent si bien les Italiens. La ville est dans un état désastreux et les Romains ont perdu toute confiance. Il y a beaucoup de problèmes ici. La ville est sale, il y a des ornières sur toutes les routes et les transports ne fonctionnent pas. Vous savez, c'est normal qu'on se tourne vers un autre horizon. On a essayé tellement de solutions. Il est temps de changer et on verra ce qu'elle fera. Avec son air de première de classe, Virginia Raggi, avocate de 37 ans, a surfé sur le rejet des partis traditionnels. Résultat, au premier tour, elle a emporté 35% des voix. Mais avec elle, c'est tout le mouvement 5 étoiles qui prendrait possession de la capitale en cas de victoire au deuxième tour. Stefano Folli, éditorialiste du journal La Repubblica. Le mouvement 5 étoiles est un mouvement très intolérant qui ne supporte pas la critique. De plus, il y a cette idée de démocratie directe à travers Internet. Tout le monde peut dire son avis, mais c'est évidemment un traquenard. Virginia Raggi a promis de reprendre en main les finances de la ville, de réparer les routes et d'améliorer les transports publics. Rendre à Rome sa splendeur d'antan sera pourtant bien difficile, car si elle est élue, les partis traditionnels et surtout la gauche ne lui feront aucun cadeau. Le mouvement 5 étoiles devra finalement prouver qu'il peut agir et non seulement parler. La campagne pour ou contre le Brexit reprend ce matin en Angleterre. Une campagne qui avait été suspendue suite au meurtre de la députée britannique Jo Cox. Députée qui militait pour le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Ce dimanche, deux sondages donnent le maintien du pays dans l'Union devant le Brexit. Le référendum se déroulera ce jeudi. Il n'y a aucune preuve d'un lien entre le groupe terroriste État islamique et le tueur d'Orlando. C'est ce qu'ont conclu des enquêteurs américains. Aucune preuve que cette fusillade a été préparée ou commandée depuis Raqqa en Syrie. Pourtant, Daesh avait revendiqué l'attaque. Le tireur, lui, avait dit avoir tué au nom du groupe terroriste. Je vous rappelle qu'Omar Mateen a tiré dans la foule dans la discothèque gay de la ville américaine d'Orlando, causant la mort de 49 personnes. Un clown en salopette devenu une icône. Il y a 30 ans, jour pour jour, Coluche mourait dans un accident de voiture à l'âge de 41 ans. Dans ses spectacles, le comédien renvoyait à la figure des Français leurs propres défauts. Voilà qui lui a valu d'être adoré pour son franc-parler, mais aussi décrié. En 1980, il s'exprimait sur les antennes de la RTBF au micro de Michel Cédric. Écoutez. Quand on a une réputation, elle est en général mauvaise. Et il y a des gens qui n'ont pas mauvaise réputation, mais en général, c'est des gens qui n'ont pas de réputation du tout. C'est des inconnus. Les gens connus ont souvent une mauvaise réputation. D'autre part, je me suis aperçu très vite que j'avais une mauvaise réputation et que c'était formidable parce qu'il y a quand même un tas de gens qui me foutaient la paix, du coup. Et dans l'ensemble, c'est quand même ce que je préfère, qu'on me foute la paix. Mais vous savez, dans notre métier, le mieux, c'est d'être très vieux pour avoir du talent. Pour être gentil, le mieux, c'est d'être mort. Un artiste mort, c'est vraiment un type qui avait du talent et qui était un type formidable et qui savait écrire, qui savait tout faire. Mais vivant, c'est très emmerdant. Et alors, jeune, c'est épouvantable. Alors ça, c'est épouvantable. Je vous propose de prendre la direction de la ville de Charleroi à présent, où la ville vit un de ses week-ends les plus animés de l'année. C'est en effet en ce moment que se tient la traditionnelle brocante des quais, un événement très attendu par les chineurs Carolo. La ville est en fête malgré les averses et la pluie. Reportage de Luciano Arcangeli sur les quais de Sambre. La brocante pour vous c'est quoi? C'est un moment de plaisir? C'est un moment de détente. Déjà au départ, parce que j'aime ça, je suis un fouilleur. Mais un fouilleux pour mon propre usage personnel à moi. Un truc un peu spécial, qu'on trouve partout ailleurs et pas trop cher. Des petits bazars pour enfants, des jeux de société. Surtout les jeux de société qui coûtent très cher dans les magasins, on peut trouver pas cher chez les brocantes. 25 ans, je viens ici. Ben, j'aime beaucoup les Ferrari, les voitures, les Vespa. J'ai des bons prix dans tout, je fais des prix pour tout. Il y a les camions pompiers aussi, qui marchent très bien. Je viens d'en vendre 4 maintenant, des petits, j'en ai plus. Est-ce qu'à Charleroi, il y a de quoi faire votre bonheur dans une brocante un peu sous la pluie? Oui, je trouve chaque fois quelque chose. Chaque fois. Pas grand-chose, mais je trouve quelque chose. Après les passionnés de vieux bibelots, on s'intéresse aux passionnés d'histoire. On célèbre ce week-end les 201 ans de la bataille de Waterloo. Il y a un an, on voyait les choses en très grand pour le 200e anniversaire. Cette année, les commémorations sont plus modestes. Les activités ont commencé hier. Elles commençaient hier. Elles se poursuivent aujourd'hui dans la plupart des lieux emblématiques de la bataille. Au dernier quartier général de Napoléon, à Vieux-Genappe, les activités sont dédiées aux familles. Pas de grand spectacle donc, ni de reconstitution, mais le public s'y retrouve. Reportage Justine Hermans. La musique retentit, une centaine de reconstitueurs sont dans leur campement, à l'arrière du dernier QG de Napoléon. Les visiteurs sont intrigués, ils apprécient la proximité. C'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus agréable, on a une vue de tout ce qui se passe. Vous préférez ? Je préfère. Vous êtes satisfait? Oui, je suis toujours satisfait. À partir du moment où on peut partager sa passion avec d'autres, c'est toujours un plaisir. Il y a aussi des ateliers de compte et d'aquarelle pour le plaisir des petits et des grands. J'ai aimé faire de la peinture et c'était très chouette. On s'est bien amusé. Voir ceux qui marchent. Les soldats? Des soldats. Qu'est-ce que tu aimes bien chez eux? Parce qu'on a un grand chapeau. C'est vrai que le programme paraissait vraiment alléchant et vraiment chouette pour les enfants. On va aller découvrir le bivouac et on va voir si on peut rencontrer Napoléon au détour du chemin. Donc voilà. Ils veulent le rencontrer? Ah, à tout prix, oui. Nancy Schruders, la directrice du dernier QG de Napoléon. Il y a vraiment tout un panel d'animations qui leur permettent d'appréhender l'histoire, mais d'une manière... peut-être voilà, plus ludique et parfois moins sérieuse, mais qui leur permet aussi d'accrocher plus tard vers ce qui s'est passé chez nous il y a 201 ans maintenant. Voilà le programme de la suite des festivités sur le site www.waterloo1815.be. Une petite idée de sortie pour ce dimanche, pourquoi pas. Merci de nous écouter, très bon dimanche. Toute l'info est sur rtbf.be. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au pub de la première. C'est ici que les Belges partis travailler au bout du monde, dialoguent avec ceux qui, venus d'outre-mer, vivent dans notre petit pays surréaliste. Et en ce beau mois de juin 2016, nous continuons notre tour d'Europe après l'Italie et la Suède. Cap aujourd'hui vers l'Écosse où nous attend le patron du peuple le plus isolé de Grande-Bretagne, Jean-Pierre Robinet. Bonjour, JP. Salut, Adrien, comment vas-tu? Très, très bien. Vous aussi, c'est vrai qu'en anglais, c'est you, hein, donc c'est tu, c'est vous. On va un peu naviguer entre les deux. On vous appelle JP sur place, hein, JP? Oui, Big JP, oui, mais bien à la base. Ouais, ouais, ouais, parce que vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes baraqué, vous avez fait plein de choses dans votre vie. À 27 ans, vous étiez déjà le général manager de l'hôtel Métropole à Bruxelles. Puis vous avez enchaîné avec le Savoie à Londres, le plein ciel à Champéry, avant d'aller diriger des hôtels en Australie. Et puis vous vous retrouvez dans un endroit peut-être encore plus exotique que tout ce que vous avez fait avant. Ben oui, parce que tout simplement, on est très isolé. On s'est arrivé à Knoydart, qui est notre péninsule sur la côte ouest de l'Écosse, que par 2 jours de marche à travers les montagnes, les Highlands, ou 1 heure de bateau depuis le port de Malegue. Donc évidemment, c'est une expédition, ça doit se planifier comme destination touristique, et ça offre quelque chose de très rare de nos jours, puisque c'est une destination authentique et pure. Il ne faut pas nécessairement traverser la planète pour être complètement dépaysé. Pour dialoguer avec vous, une jeune Écossaise tombée amoureuse de la Belgique et d'un petit gars chez nous aussi. Bonjour. Miss Emma Russell, qui est devenue donc maintenant Mrs. Oui, Mrs. Casterman. Mrs. Casterman. Oui. Je vous en prie, vous pouvez saluer celui qui a pris votre place, qui vit maintenant en Écosse. Bonjour JP, vous allez bien? Très bien, je suis ravi de passer ce moment avec toi. Oui, apparemment. Vous venez de Glasgow? Oui, c'est bien ça. Oui, 20 km au sud de Glasgow. Et vous vivez dans un tout petit patelin du Brabant Wallon? Oui, c'est bien ça. Pour le moment, on habite à Turin-la-Grosse, mais on a acheté une maison à Bossu, à Gradoisso. Et on va le transférer dans un atelier cuisine avec une gîte. Ah, donc des points communs, oui. Avec JP. Oui, dans la campagne de la Belgique. Et vous êtes dans la campagne d'Écosse. Donc voilà. Tout à fait. Et tous les deux dans la restauration. Alors, il a déjà réservé une table à The Old Forge. C'est notre collègue de la semaine de l'Europe, Olivier Henrion. Bonjour Olivier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Passionné d'Europe, vous y êtes allé entre autres pour couvrir le référendum. La dernière fois, c'était pour le référendum de 2014, c'est vrai. Alors, nous avons aussi autour de notre table la chroniqueuse bourlingueuse des Belges du bout du monde, Mariam Allard. Bonjour Mariam. Bonjour. Vous nous parlerez aujourd'hui d'une nouvelle énergie verte. Oui, en fait, je vais vous parler des parcs hydroliens d'Écosse, donc utiliser les marées pour faire de l'énergie. Les Belges du bout du monde sur la première. Nous brunchons ce matin dans une des régions les plus sauvages et les mieux préservées d'Europe. Olivier Henrion, l'Écosse est aussi la partie la plus septentrionale du Royaume-Uni. Oui, avec un peu moins de 80 000 km², ce qui est à peu près 2,5 fois plus grand que la Belgique. Avec au nord une zone très montagneuse qui occupe la moitié du territoire, les fameux Highlands. C'est là que l'on trouve les sommets les plus élevés du Royaume-Uni, comme le fameux Ben Nevis qui culmine à 1344 mètres d'altitude. Mais c'est là aussi qu'on y trouve les célèbres lochs, comme le Loch Ness, qui abrite le monstre du même nom, ou le Loch Lomond, qui n'est pas que le whisky préféré du capitaine Haddock, mais l'un des plus longs lacs d'Écosse. Où, souvenez-vous, Tintin était parti à la découverte de l'île Noire. Soyez de retour sans faute au coucher du soleil. Entendu. Mais au fait, de quel côté comptez-vous aller? Du côté de l'île Noire, j'aimerais visiter le château de Benmore. L'île Noire? Ah non! Je vous préviens tout de suite, il n'en est pas question, vous ne reviendrez pas et mon canote sera perdu. Et si je vous l'achète, votre canote, hein? Le canot, faudra un paquet de livres sterling. Les aventures de Tintin sur l'île Noire dans les Highlands, comme notre Belge du bout du monde, hein, JP Robinet. Au sud des Highlands, Olivier Henrion, le paysage il est moins tourmenté. Oui, et c'est là d'ailleurs que vous trouvez la majorité des 5 millions d'Écossais. C'est là aussi que se trouvent les principales villes du pays. Glasgow, l'industriel, ou Édimbourg, la capitale. Et puis l'Écosse, ce sont aussi des îles. Il y en a près de 800. Une grosse centaine seulement sont habitées. Alors l'Écosse, c'est la partie la plus nordique, hein, de la Grande-Bretagne, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai, Adrien, c'est vrai que pendant longtemps, le royaume d'Écosse et le royaume d'Angleterre étaient deux royaumes distincts, et souvent en conflit d'ailleurs. Ce n'est qu'en 1707 qu'ils ont décidé d'unir leur destin avec aujourd'hui une citoyenneté commune, la citoyenneté britannique, et un parlement commun, celui de Westminster, où siègent aujourd'hui 45 députés écossais. L'Écosse fait toujours partie du Royaume-Uni et de l'Union Européenne, en tout cas jusqu'au référendum de jeudi prochain. Nous en reparlerons tout à l'heure en fin d'émission. Mais parole maintenant à notre Belge du bout du monde. JP, comment avez-vous découvert ce bout du monde européen tellement mythique et mystérieux? Bien, c'est très simple. C'était vraiment une histoire d'amour et tout à fait simple. Je suis Ardennais d'origine, je suis un chasseur de sangliers et je suis venu il y a 20 ans, donc en 1996, À l'époque, il y avait 46 habitants dans le village. Aujourd'hui, nous sommes 137. Et tout simplement, j'ai eu le coup de cœur. Je suis tombé amoureux de l'endroit en arrivant sur le Loch Nevis. Et j'avais en tête d'acheter une maison pour mes vieux jours, simplement. Et puis, par le plus grand des hasards, le pub du village, un pub mythique, a été à vendre et resté sur le marché, à ma grande stupéfaction, pendant 3 ans. Il appartenait à un ancien officier britannique qui avait 67 ans à l'époque, mais qui avait 2 jeunes enfants d'un second mariage et qui désirait s'occuper de ses jeunes enfants. Alors, un jour, j'étais un habitué de ce pub, puisque amoureux de Neudart, il m'a demandé de faire une offre. C'était assez bizarre parce que je ne m'y attendais pas du tout. En fait, ce qu'il a mis sur la voie, c'est peut-être ma ferveur envers Neudart et surtout le fait que j'avais géré un hôtel à 2000 mètres d'altitude en Suisse. On avait peut-être une idée de ce qu'était une logistique difficile. Alors j'ai fait offre gentiment par rapport à cette nuit bien sympathique, pleine de musique et pleine de bonnes bières dans ce pub. Et à ma grande stupéfaction, il a accepté. À partir du moment où j'avais donné ma parole et parlé d'un chiffre et d'une offre, eh bien, je l'ai respecté. J'ai vendu ma maison dans la province de Liège en 10 jours chrono et je suis monté avec mon camion et mes meubles pour m'installer ici dans ce merveilleux endroit. Ouais, vous avez changé de vie, c'est incroyable parce que vous étiez à la tête d'hôtels prestigieux. Hein, vous travaillez plutôt dans les 4, 5 étoiles. Vous étiez vraiment dans la jet set et là, vous vous retrouvez en pleine nature. C'est un changement de vie assez radical. Oui. C'était un choix et je t'avoue, Adrien, que j'ai mis du temps avant de pouvoir mettre des mots là-dessus. Ça s'est fait de manière terriblement naturelle et en fait, c'était peut-être une réaction à une vie intrépide, certes, mais pleine de soucis de quotidien comme le stress, les embouteillages, vivre dans ce monde qui est le vôtre et qui a été le mien pendant de grandes années. Et en fait, inconsciemment, j'ai peut-être fui le monoxyde de carbone pour me retrouver dans un nid chlorophylle. Oui, c'est pas mal ça, une vie peut-être un peu moins superficielle, un peu plus profonde. Vous, Emma Russell, vous avez fait le chemin inverse. Comment est-ce que vous avez découvert la Belgique? Qu'est-ce qui vous a amené chez nous? En fait, ma mère est venue ici il y a 20 ans, là, seulement pour 3 mois avec le boulot, et elle a resté. Et donc, nous, on est venus avec elle pour la première année. Enfin, un an et demi, j'étais là, quand j'avais 14 ans. Ben, je suis allée à une école française, c'était l'opportunité d'apprendre français. Puis je suis retournée en Écosse, j'ai terminé mes études et je me suis trouvée à Londres. Et après quelques années, donc très similaire à vous, j'ai pu, dans la façon que j'en pouvais plus à Londres, il y avait trop d'embouteillages et c'était pas la bonne vie. Et après une circonstance difficile, j'ai été dans un très mauvais accident. Je me suis décidée qu'en fait, je veux être plus proche à ma famille. Bon, ma mère était ici en Belgique et je voulais vraiment un changement de vie. Je voulais suivre ma passion, qui est la nourriture. Et je veux un peu plus de calme et de la campagne. Et donc, je me suis trouvée ici en Belgique. Oui, au départ pour 1 an, mais je crois que vous allez y rester très longtemps puisque vous êtes jeune mariée là maintenant. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, je suis venue vraiment pour 1 an. Je me dis, OK, on verra si ça passe bien. Sinon, je peux toujours retourner. Et donc, en fait, c'était très temporaire. J'avais un bulle temporaire. J'ai habité dans une maison à quelqu'un qui est parti pour 1 an. Toutes mes affaires, c'était toujours à Londres. Mais en fait, au bout d'un an, le jour même d'un an, j'ai trouvé mon mari. Et donc voilà, je suis tombée amoureuse et il y a un an, on s'est mariés. Alors, je vais vous offrir, Emma, une chanson sur votre région natale. C'est un titre de Perry Rose, qui est un chanteur irlandais qui vit en Belgique et qui chante Glasgow. Voilà. To Glasgow is the place where my lover was born. Thought I'd have a laugh there, so I closed my door and I sang until I reached the town. Till the plane touched down, hitting the ground. Glasgow is a gas, well that's what I've been told. Yeah. There I met the in-laws. Father was a teacher and the mother was ma. Walked her to the market. I got those women out tough. And I stayed until the night came down. till the boys came round out of the cold. And Glasgow can be cold, well, that's what I've been told. Yeah, yeah, yeah, whoa. Do you still believe in rock and roll? The driver asked me dead in the cab. The music sailed my mother's soul. The girl told me down at the club. Are you and me, we're just the same. She made my mouth go dry. Can you really feel the way I feel? And on and on and on, till the wrong seemed right, right, right. Our Glasgow is alright, so I sing one more night. Yeah, yeah, yeah, whoa. When I woke up headless, my body's still in bed. I thought I found my way back. I walked 10 miles instead. My head rang, rang, rang. I felt as dry as a bone. Then I found my way. What can I say? A Glasgow is insane, so I'll say one more day. Yeah. C'était Perry Rose sur la première avec Glasgow, ville natale d'Emma Russell, notre invitée, en duplex avec Jean-Pierre Robinet, belge du bout du monde, à la tête du pub le plus isolé d'Écosse, je dirais même plus, du Royaume-Uni. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Jean-Pierre Robinet, ce pub, vous l'avez bichonné et vous y avez créé de l'emploi. Je crois qu'il a vraiment pris de l'ampleur parce qu'il est classé maintenant dans les 10 endroits du monde les plus agréables pour boire une bière. Au départ, ce n'était pas un pub, c'était une vieille forge. Hein. Comme le dit le nom, il a fallu faire des aménagements dans l'habitat, je vais dire. Et on a développé une image beaucoup plus terroir et food parce que moi étant... issu de l'école hôtelière de Namur, aimant aussi, comme Emma, énormément le food, donc tous les beaux produits. C'est vraiment la mecque des beaux produits en Écosse. On y trouve les meilleures langoustines, les meilleurs Saint-Jacques, les meilleurs homards, le bœuf, évidemment, le gibier que l'on chasse. Donc c'était l'opportunité de donner un autre essor au pub et d'en faire, en plus d'un pub, un vrai restaurant de produits authentiques. Nous avons racheté une vieille grange qui s'appelle The Old Buyer, et là nous avons rénové totalement pour y créer 6 chambres en gîte, en dinner, bed and breakfast, c'est-à-dire que les gens viennent au pub avec une table de choix vue sur la baie pour déguster nos produits, profiter du pub et des nuits en live music et les concerts qu'on y propose, et évidemment séjourner chez nous dans la vieille grange restaurée. Oui, et j'ai vu qu'il y avait des concerts, entre autres avec les gaufres au sucre des groupes de chez oui, nous. Ça, c'est mes racines un peu universitaires liégeoises. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. On a une tradition à la Old Forge, c'est le Classic Rock Weekend qui se fait cette année le 24, 25 et 26 septembre. Et les gaufres au sucre sont nos guest stars. D'accord, d'accord. On a mis les images en ligne sur lapremière.be et puis un petit clip qui montre cette petite entreprise du bout du monde créée par un Liégeois dans le nord-ouest de l'Écosse. L'Écosse, c'est aussi, Olivier Henrion, 10% de la richesse produite au Royaume-Uni. Oui, c'est une économie plutôt en bonne santé. Le taux de chômage y est très bas, enfin bas, autour de 6%. Mais c'est une économie très dépendante du pétrole et du gaz découvert dans la mer du Nord dans les années 70. Cela dit, l'Écosse, c'est aussi le whisky, c'est ce qui s'exporte le mieux d'ailleurs, et la pêche. Et si vous mangez du saumon avec vos œufs brouillés ce matin, eh ben il vient sans doute d'Écosse parce que c'est le premier producteur en Europe. Et grâce à cette richesse et grâce à l'autonomie que Londres leur a accordée en 1997, les Écossais bénéficient d'une politique sociale très développée. Les médicaments sont gratuits, les universités aussi, mais ils voudraient plus d'autonomie. C'était tout l'enjeu du référendum du 18 septembre 2014. Au final, la majorité des Écossais, 55% d'entre eux, ont préféré rester au sein du Royaume-Uni. Emma, vous êtes britannique ou écossaise ? Je suis écossaise à la base. Et sur le passeport ? C'est toujours britannique. D'accord. Je ne vous demande pas si vous voterez pour ou contre le Brexit jeudi prochain lors du référendum, mais j'ai ma petite idée sur la question. Oui. D'accord, d'accord. No comment, please. Vous avez pu participer à ce référendum, Jean-Pierre Robinet, en tant que Belge, oui, expatrié ? Ça, c'est une chose vraiment à souligner. Les Écossais sont des vrais démocrates. Le processus était extrêmement démocratique. Et le fait que je ne sois pas écossais, mais que je vive en Écosse et que je paye mes taxes en Écosse et que je sois pourvoyeur d'emploi aussi, ils m'ont donné le droit de vote. Et ça, c'est quelque chose vraiment à signaler en termes de démocratie. C'était un processus magnifique. Et donc, j'ai eu le droit de m'exprimer aussi. D'ailleurs, il y a une petite chose extraordinaire. Je crois qu'il y a un député français qui siège au Parlement écossais à Édimbourg. Oui, donc beau modèle de démocratie. J'aimerais qu'on se penche un peu maintenant sur vos deux parcours, Emma et Jean-Pierre. Avant de partir au bout du monde, vous avez grandi, hein, vous l'avez dit, au fin fond de la Belgique, dans une région magnifique, hein, Jean-Pierre, pas très loin de l'Assemois. Ah oui, tout à fait. Je suis un gamin de l'Assemois, comme on dit chez nous. En fait, je suis né dans un petit village qui s'appelle Petit Failly, voilà, qui comptait très peu d'habitants aussi. Et ben, on se refait pas. Mes grands-parents étaient aussi hôteliers-restaurateurs. Ils avaient un relais de campagne avec 15 chambres et ma grand-mère était au fourneau. Mon grand-père chassait, pêchait, cultivait. Et évidemment, c'était le produit de la ferme, anciennement l'hôtel, qui fournissait évidemment les denrées au restaurant. Oui, famille de restaurateurs depuis 4 générations. Oui, exactement, 4 générations. Oui, et d'ailleurs, si vous avez arrêté de courir le monde et les grands hôtels, c'était aussi pour vous occuper de votre papa, hein, je crois, Jean-Claude. Exactement, voilà. Mon papa était un grand hôtelier, puisque lui, il a fait un parcours de chaîne internationale, et vous l'avez sûrement connu dans la région liégeoise. Il a eu la direction de l'hôtel Ramada pendant 20 ans. Et puis, il a monté les échelons pour en devenir vice-président de cette compagnie américaine. Donc, il a une vie très mouvementée, lui, et c'est peut-être aussi, Adrien, consciemment, après une rupture d'anévrisme qu'il a fait à l'âge de 59 ans, que je me suis dit que bon, c'est bien beau de courir le monde et d'avoir une vie frénétique, mais il faut aussi avoir le capital santé. Et c'est en m'occupant de lui après son accident que j'ai sûrement décidé par la suite de m'installer et de revenir aux sources. Ralentir le rythme pour augmenter le plaisir. Tout à fait. Emma Russell, vous avez une formation, je crois, dans le domaine du français? Oui, mon diplôme, c'est, à la base, c'est religion et français. Donc, You're a teacher? Oui, j'étais un prof pendant quelques années à Londres, et puis j'ai enseigné le prof. Et j'ai adoré l'éducation, mais comme je dis, mon passion était toujours avec la nourriture. Et quand j'étais petite, je voulais toujours avoir un petit restaurant et un gîte, un bed and breakfast, comme vous avez, JP. Mais pour l'une raison ou l'autre, j'ai suivi un autre chemin. Je pense que c'est aussi parce que j'ai fait un tour de monde quand j'avais 18 ans. J'ai rencontré tellement de différentes cultures et de religions. Donc quand je suis retournée, j'ai fait mon diplôme en religion et français. Et puis maintenant, vous allez réaliser votre rêve et enfin ouvrir ce gîte et cet atelier culinaire dans une ancienne ferme que vous restaurez. C'est une passion que vous avez tous les deux vraiment en commun, la passion des bons produits et puis de la nourriture toute simple. Jean-Pierre, je vois que chez vous, y a du homard, mais il y a aussi des fish and chips. Exactement, c'est le plat national britannique, il est incontournable. Mais comme Emma vous le dira sûrement, il y a fish and chips et fish and chips, c'est-à-dire si on le fait avec un produit frais, et qu'on fait le batch, donc en fait, le panage, nous on le fait avec une bière à l'ancienne, voilà, et une farine organique, et ce qui nous permet évidemment d'avoir un très beau résultat. Donc c'est un plat, je vais dire, démocratique, mais qui a beaucoup de sens, parce que ça peut être savoureux. Mais c'est vrai qu'en Écosse, tu ne pouvais pas vraiment avoir un restaurant sans avoir un fish and chips, surtout où tu es. surtout pour le public écossais, il faut avoir des fish and chips. C'est sûr. Oui, exact. Est-ce que vous préparez aussi la panse de mouton farcie avec la fraîcheur de l'animal, le fameux haggis? Alors, on ne produit pas le haggis ici, malheureusement, pour des raisons d'hygiène, Adrien, parce qu'en fait, maintenant, c'est très réglementé et c'est logique. Ça reste aussi le plat national écossais, bien entendu. Mais aussi, je n'ai pas les meilleures matières premières pour le faire. Il faut savoir aussi que notre cuisine ici est axée sur les produits de la mer et le gibier. Donc le haggis sera plutôt présent dans le Midland ou Lowland, là où il y a les élevages, évidemment, de brebis qui permettent de réaliser ce mets délicieux actuellement. Et je peux dire que ça a beaucoup d'acquaintance avec des choses qui se font dans nos Ardennes aussi, puisqu'on a le black pudding ici en Écosse, qui est très proche du boudin noir de nos Ardennes. Mm-hmm. Vous avez goûté tout ça, Olivier? Le haggis, oui. Ouais, oui, ouais. Oui, c'est assez surprenant, mais ça se mange. Moi, j'aime beaucoup. Avec un whisky ou avec une bière? Les deux, écoutez. La bière, d'ailleurs, au pub, on demande pas une bière hein, quand on va chez vous. Oui, exactement. On dit a pint, comme on dit ici en Écosse. Donc, c'est une pinte. Il faut savoir que la mesure officielle britannique de la pinte, c'est 563 centilitres. C'est un gros demi-litre. C'est vraiment l'unité de mesure. On peut pas y échapper. Demandez, en fait, une demi-pinte à la Old Forge, c'est un peu Big Disgrace. Donc, en fait, c'est même un peu impoli, d'ailleurs. Partout en Écosse, en fait. C'est petit zizi, quoi. Il faut tout de suite prendre la grande. Dites donc, c'est quand même assez incroyable. Hein. Ces bières, elles sont pas aussi bonnes que les bières produites chez nous. Ça, vous n'allez pas dire alors, le contraire. Ça, c'est mon grand dilemme. Là, tout de suite, on entre dans un débat énorme parce que, en tant que... Je suis quand même très fier d'être belge et Ardennais, ben, je propose des produits de chez nous aussi. Mais les deux, donc on a notre propre Real Ale qui est fait ici en Écosse par la brasserie du Loch Ness. D'ailleurs, nous avons notre propre ale qui s'appelle Remote Ness. Ness pour la racine de la brasserie et Remote parce que nous sommes évidemment le peuple le plus éloigné d'Écosse. Et quand David Garrett, mon ami de la brasserie, m'a dit « on va faire un ale que pour toi », j'en étais évidemment assez fier. Mais tu verras aussi chez nous, on a de la Stella au fût comme lager, comme bière, je vais dire, usuelle. Mais on a aussi de la Grimbergen, par exemple, au fût. Et des bières d'été comme les blanches, les fruitesses, etc. Donc j'essaye vraiment de faire un parcours de bières qui se situe entre la Grande-Bretagne et la Belgique en proposant des produits qui varient très souvent sur mon bain. J'ai évidemment les 7 incontournables à la pompe et alors je fais varier 3 ou 4 pompes sur le moment et surtout la saison. Qu'on peut savourer en terrasse face à la mer, hein, vous êtes sur la péninsule avec une vue imprenable, Jean-Pierre. Oui, alors on est sheltered, comme on dit, et Emma vous confirmera, on est un peu à l'abri des montagnes, mais sur le Loch Nevis, donc en pleine mer. C'est un magnifique Loch. Loch Nevis, en gaélique, Nevis veut dire paradis. Et pourquoi ? Parce qu'ancestralement, nous sommes orientés sud-ouest, donc vraiment sur le soleil. Et c'est vraiment dans le Loch Nevis qu'on trouve les meilleures langoustines et les meilleurs crustacés aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe, vous nous dites ça. Un dimanche, alors qu'on s'est levé tôt et qu'on commence à avoir un petit peu faim, mais ce sera pour après l'émission. Un brunch amélioré dans The Old Forge, créé là-bas en Écosse par notre Belge du bout du monde, Jean-Pierre Robinet. On fait plein de choses dans cette région du monde, et entre autres de l'électricité grâce au mouvement des marées. On vous en parle avec Maria Mallard dans quelques instants. Restez branchés sur la première. Vous n'avez pas toujours le temps d'écouter nos émissions en direct. Vous avez raté une émission et vous souhaitez y revenir. Sur rtbf.be/ovio, retrouvez toute l'offre de programmes de La Première à la demande. Actu, culture, débats de société, interviews, rencontres, analyses, humour, tous nos contenus sont accessibles partout, tout le temps sur RTBF Ovio. La 2 en télé. Est-ce que nos diables sont vraiment enfants ? Le bon esprit du foot envahit le plateau de Bleu Blanc Mag avec Kiki et Jérôme de Warzé. C'est vraiment n'importe quoi. Ça a été dit, mais je sais très bien que dire de temps en temps et jouer, c'est autre chose. Bleu Blanc Mag, c'est de la bonne humeur tous les jours de match sur la 2. La première présente, Marley disparu. Découvrez l'exposition de l'artiste Thierry Bosquet, créateur de décors d'opéra, maître du baroque. Il fait revivre ces lieux magiques, bâtiments, jardins superbes où Louis XIV aimait faire la fête. Du 14 au 29 juin, au Centre culturel Ducle. Entrée libre. Info, ccu.be. Avec la Libre. Pour rester informé partout, tout le temps, rendez-vous sur lapremière.be. Dernières infos, tous les journaux parlés des 7 derniers jours et bien plus encore. Lapremière.be. Le festival Couleur Café. Avec Chic et Nile Rodgers. Arnaud. Selassou. Oxmo Puccino. Brigitte. De La Soul. Magic System. Soprano. Ginzou. Et Youssou N'Dour. Festival Couleur Café, les 1er, 2 et 3 juillet à Tour et Taxi. Découvrez l'affiche et réservez vos places sur couleurcafé.be. Avec la première et la 2. La première et la 3 présentent l'exposition En plein air à la Beuverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeuverie.com. La Beuverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Et vous, comment vous faites pour connaître la quantité d'électricité verte que vous recevez ? Dis chérie, la lumière elle est de quelle couleur quand j'allume ? Ben blanche. Ah bon, et là ? Ben noir. Et c'est maintenant ? Blanche. T'es sûr, c'est pas un peu vert ? Non, c'est blanc. Et maintenant ? Noir, blanc. Noir, blanc. Votre contrat vous garantit un pourcentage d'électricité verte ? Brugel vous le certifie. Rendez-vous sur brugel.be, faites le green check et vérifiez si vous recevez l'électricité verte prévue. Brugel, le régulateur bruxellois pour l'énergie. 9h-10h. Les Belges du bout du monde sur la première. Avec Adrien Jouvenot. Bienvenue sur la première. Ce matin, il est question de kilt, de saumon, de whisky. Nous sommes en Écosse avec nos Belges du bout du monde, Emma Russell et Jean-Pierre Robinet, qui sert du Loch Lomond dans son pub The Old Forge, pas très loin de l'île Noire. Nous sommes perdus. Ici le central de police. Tintin, m'entendez-vous? Une vedette se dirige vers l'île Noire. Deux hommes de la police secrète qui sont à votre recherche ont pris place à bord. Tintin, vous me recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Et sur cette vedette, nous accueillons notre Tintine reporter, Mariam Allard. Vous allez nous parler de marées et de l'énergie que l'on peut en tirer. C'est dans l'extrême nord de l'Écosse que nous sommes. Oui, tout à fait. Entre le nord de l'Écosse et l'île de Stroma, à l'endroit même où la mer du Nord rencontre l'océan Atlantique. En 2013, le gouvernement écossais a délivré le permis pour y construire le plus grand parc hydrolien d'Europe. L'idée, c'est donc d'utiliser l'énergie des marées pour produire de l'électricité. Il est prévu qu'en 2020, le parc génère 86 MW d'électricité, soit suffisamment pour 40 000 foyers. Et l'objectif est de quadrupler cette puissance sur du plus long terme. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, la technique, c'est d'utiliser des sortes de grosses turbines de près de 1500 tonnes au fond de la mer. En fait, elles sont même énormes par leur poids parce qu'elles sont plus petites que des éoliennes, mais elles pèsent très lourd. Les turbines sont propulsées grâce au courant qui est provoqué par la marée. C'est un peu des éoliennes sous l'eau et le vent, eh bien, c'est en quelque sorte le courant marin. Et pourquoi là précisément en Écosse, à cet endroit ? Eh bien, comme on l'a dit, c'est là où la mer du Nord et l'Atlantique se rejoignent. Les marées provoquent des courants marins très forts et là, le courant est encore plus important parce que le passage est étroit. Alors, pour l'instant, ces technologies ne sont pas extrêmement développées. Les turbines sous-marines en sont encore au stade expérimental. Le projet va donc voir jour étape par étape. D'abord, 6 turbines vont être installées. Ça va permettre de récolter des données, surtout en termes de productivité, mais aussi en ce qui concerne l'impact environnemental. Ouais, bravo les Écossais, c'est magnifique. C'est une technique très prometteuse, hein, Mariam, pour l'avenir. Eh bien, les résultats nous le diront, mais en tout cas, ces énergies qui proviennent des marées ont beaucoup de potentiel. A priori, ces techniques pourraient produire 20% des besoins britanniques en électricité. Autre avantage, ce type d'énergie est plus régulière et plus prévisible que pour l'énergie solaire et éolienne qui dépendent beaucoup de la météo. Les marées, elles, ont lieu, quoi qu'il arrive, 4 fois par jour. L'objectif serait, à long terme, d'installer 400 turbines pour produire autant qu'une centrale thermique. Alors, il y a aussi pas mal d'éoliennes en Écosse. Faut dire que le vent, il souffle parfois très fort. Pas évident, hein, Jean-Pierre, quand on porte le kilt. Quand on le porte bien, en plus, puisque, comme tu le sais, c'est pas une tradition, c'est la vérité. Emma va vous le confirmer, on ne porte rien en dessous du kilt. Si vous êtes bien écossais. On dit d'ailleurs là-bas, may the wind no blow your kilt. Hein, donc faites attention. Votre mari est belge, Emma, et il s'est marié en kilt. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Quand il m'a demandé à lui épouser, je lui ai dit, ok chérie, mais soit on se marie en Écosse et tu portes n'importe quoi, ou soit on se marie en Belgique et tu portes un kilt. Et donc voilà, on se marie en Belgique, mais il a porté le kilt. Et en fait, on a trouvé un endroit ici en Belgique où on peut louer le kilt. Et on avait envoyé un email à des amis en disant, oui, si vous avez envie de joindre mon mari et porter des kilts, vous êtes bienvenus. Voilà les détails. Ils sont tous venus. Il y avait une vingtaine d'hommes belges qui étaient là avec le kilt. C'était un spectacle. C'était génial. On a joué la cornemuse. Oui, bien sûr. On avait un ami qui est venu de Grande-Bretagne qui a joué la cornemuse, oui. Et on avait un prêtre aussi qui est venu pour la bénédiction de l'Écosse, même. Avec des chardons. Oui. Beaucoup de chardons, oui. L'emblème national écossaise. Vous servez parfois dans The Old Forge en kilt, Jean-Pierre Robinet ? Oui, alors à Okmane, donc au Nouvel An. Ça, c'est une tradition à la Old Forge ici. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un de mes amis qui est créateur de kilt à Edimbourg, c'est Howie Nicholsby, qui a créé 21st Century Kilt et qui a revisité le kilt de manière moderne pour nous, les hommes actifs. Et on a laissé tomber le sporran, donc la petite sacoche qui se trouve devant, au profit de side pockets. Qui nous permet de rendre le kilt moderne et utilisable tous les jours. Ouais. J'ai eu la chance de faire un reportage chez Yves Le Marchand, un consul de Belgique en Écosse, que vous connaissez peut-être. Et il porte le kilt dans son bureau avec son costume, sa cravate, etc. Mais le kilt, hein, c'est quand même assez étonnant. Est-ce que ce changement de job vous a profondément changé ? Est-ce que ça a bouleversé votre façon d'appréhender la vie, Jean-Pierre Robinet ? Oui, clairement, puisque, comme je te l'ai dit, Adrien, au départ, c'est un coup de cœur qui m'a amené ici, et ce n'est que par la suite, quelques années après, que j'ai pu mettre des mots sur ma démarche. Il est clair qu'inconsciemment, parce qu'il y a toujours un inconscient dans ses actes, heureusement d'ailleurs, c'est ce qui nous rend humains, inconsciemment, ben, j'ai voulu fuir le brouhaha de la ville et la pollution, peut-être suite à des événements importants, comme l'accident de mon père ou la perte d'un être proche, et en fait, je me suis rendu compte que c'est redécouvrir la vie, et même la vie comme je l'avais quand j'étais enfant dans mon petit village des Ardennes où le braconnier du coin venait encore amener sa prise du jour qu'on cuisinait pour les clients. Donc c'était un retour aux sources et surtout l'envie de retrouver les belles choses authentiques de la vie. Oui, ça vous a aussi changé, Emma Russell, votre changement de pays, le fait d'habiter maintenant dans une vieille ferme dans le Brabant wallon? Oui, en fait, tout ce que vous dites là, GP, c'est... oui, c'est comme vous parlez de moi. Je voulais vraiment être dans la campagne, avoir une ferme avec un potager, avoir de nourriture de bonne qualité, et desservir les gens et faire plaisir aux gens. Et de revenir aux bases de la vie, de trouver vraiment de ce qui est important. Et pour moi, je l'ai trouvé en Belgique, mais je suis heureuse de vous entendre que vous aussi vous avez trouvé en Écosse. Il y a d'autres points communs entre nos pays, ce sont les conditions climatiques. Il pleut autant en Belgique qu'en Écosse, peut-être même plus en Écosse. Oui, en fait, je trouve ça assez marrant parce que les gens me demandent souvent, mais pourquoi vous avez choisi la Belgique? Vous pouvez choisir n'importe quel pays autour du monde. Pourquoi vous êtes ici? Je dis, mais une des choses, c'est il est plus chaud. Mais c'est la Belgique, il pleut tout le temps. Je dis, oui, mais je viens de l'Écosse. Donc, il y a quand même un grand changement avec le temps. Donc, pour moi, c'est très bien ici. Oui, et il faut dire, Jean-Pierre, que c'est quand même une des régions au monde où on peut connaître les quatre saisons en une seule journée, l'Écosse. Et oui, ça c'est notre grand slogan, mais c'est bien vrai. Et je peux te dire qu'on ne sait pas mieux l'imaginer que cette année, nous avons eu un inch, donc un pouce, c'est-à-dire à peu près 3 cm de neige, le 28 avril, ici sur le Gulf Stream, sur la côte ouest. Et nous venons d'enregistrer le mois de mai le plus ensoleillé pour l'instant. Donc on a vraiment les extrêmes qui se touchent, de part, je pense, le fait que c'est un des rares endroits en Europe où on a les montagnes et la mer au même endroit. Alors nous sommes le 19 juin, quelques heures du solstice d'été. La nuit sera très très courte, hein, dans 48 heures. Il fait clair très très tard et le soleil se lève très tôt là dans le nord de l'Écosse. Oui, pour l'instant, c'est assez comique. Hier, j'ai fermé le pub, j'ai sonné la cloche vers 23h30. Je me suis assis avec Eileen sur le banc à l'extérieur et nous étions encore en luminosité de jour. Donc c'est très impressionnant. Par contre, à contrario, évidemment, en hiver, on a des très très petites journées. Le soleil se lève vers 10h30 du matin et se couche vers 3h de l'après-midi. C'est effectivement assez contrasté. Emma, quels sont vos coups de cœur, vous, en Belgique, les endroits où vous aimez vous ressourcer? Mais j'ai plein d'endroits que j'adore ici en Belgique, mais... J'adore aller à Gand. Je trouve ça c'est une ville super sympa avec beaucoup de très bons endroits pour aller manger et de promener. Ça, chasser le naturel revient au galop. Hein. Toujours la table. Oui, c'est bon. Toujours. c'est l'une des raisons pourquoi je suis ici. Je trouve les restaurants, enfin, la qualité des restaurants ici en Belgique impeccable. Ce que j'adore ici, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants familiales. Il n'y a pas vraiment la chaîne des restaurants. Et je trouve quand même en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de chaînes. Et on manque ça un petit peu. Pas avec vous, GP, mais bien sûr, mais au centre-ville. Le petit resto du terroir, le petit resto de famille aussi. Ouais, oui. On continue à dévoiler vos bonnes adresses et celles de Jean-Pierre Robinet en Écosse. Après avoir écouté un autre enfant du pays, il est né dans la même ville que vous, Mark Knopfler, qui chante ici un extrait de son dernier album sur la première. Every race course in the country, there's something about the unsure thing, like scoring with the beauty of the county. It always makes the old bell ring. I like to go for broke and I'll be randy. It's got to be the unsure thing. In the Bentley Continental with the brandy, it always makes the old. When it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. I go where I want, I do what I want, I don't give a damn about it. It's gone, it's gone. Today I lost a packet at Wincanton. Dive bomber in the 250. All on the nose and no one counting. Nothing wishy-washy in between. Back when I made the pivotal decision to take a winding road that I could see. It was just like being given an incredible permission. The rules don't apply to me. And when it's gone, all gone, I'll stand on a hilltop and see. Go where I want, I do what I want, and I don't give a damn about it. Skydiver, le parachutiste, c'était Mark Knopfler sur la première. Mark Knopfler, fondateur avec son frère David des Dire Straits, qui en patois écossais signifie raide fauché. Tout le contraire de notre belge du bout du monde, Jean-Pierre Robinet, plein aux as depuis qu'il a ouvert son pub en Écosse. Ouais, n'exagérons rien. petite structure et on vit humblement. Mais par contre, si tu parles de richesse humaine, là, je suis alors vraiment wealthy, vraiment très riche parce que. Et ça est mal, on a beaucoup parlé, notre meilleur salaire, c'est un grand sourire sur le visage de quelqu'un après un bon repas et surtout des soirées endiablées ici en live musique. Et quand quelqu'un vous serre la main, parce que les écossais sont très très chauds, et ça humainement, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir, quand ils vous serrent la main en fin de soirée pour vous dire qu'ils ont passé une sacrée bonne soirée, ça c'est le plus beau des salaires qu'on puisse rêver d'avoir quand on est restaurateur, hôtelier ou tenancier d'un pub. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Jean-Pierre Robinet, parcours assez étonnant, hein, parti des hôtels 5 étoiles un peu partout dans le monde pour atterrir sur une péninsule dans le nord-ouest de l'Écosse, dans le petit village de Inverie. Oui, Inverie, c'est la capitale de Neudart. Donc Neudart, c'est une péninsule, ouais. D'accord. Et Inverie, c'est le village principal où on a un ponton où les bateaux peuvent accoster. Et c'est comique parce que mon parking, à moi, c'est 9 moorings, c'est-à-dire que j'ai 10 points d'ancrage à bateau. Et les gens qui veulent réserver ben, communiquent avec moi en radio sur le canal 12 d'une fréquence VHF et qui permet aux personnes de réserver leur table. Et quand vous réservez une table à la Hall Forge, vous avez un mooring, donc un point d'ancrage gratuit pour votre voilier. C'est parfait, ça. Inverie, 146 habitants, c'est la capitale hein, de la péninsule, uniquement accessible en bateau ou à pied. Mais alors, deux jours de marche pour nous rejoindre, ça c'est vraiment la plus belle des manières de nous découvrir. Ma cousine ardennaise l'a fait récemment avec son époux, et c'est chouette parce que vous démarrez la marche à Glenfinnan, qui est la route la plus proche de chez nous, en fait à 18 miles, donc à peu près à une petite cinquantaine de kilomètres. Et c'est deux jours de marche en passant en dessous du viaduc Harry Potter. Deux jours de marche, il faut dormir une nuit dans un refuge de montagne. On appelle ça « bothy » en écossais. Et c'est pour moi, je pense, la plus belle manière de venir nous rejoindre. On va jeter un petit coup d'œil sur les perspectives, ce qui attend nos amis écossais pour la deuxième partie de 2016 et pour la suite, avec vous, Olivier Henrion, notre spécialiste européen. Bah, écoutez, on est à quelques jours du Brexit, on ne peut pas ne pas parler du Brexit qui va concerner les Écossais. Les Écossais qui sont très attachés à leur citoyenneté européenne, contrairement à leurs voisins anglais du Sud. Eux, les Écossais n'ont pas été biberonnés à l'euroscepticisme. Et donc, bah, ils regardent avec inquiétude le débat sur le Brexit, c'est-à-dire la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui sera décidée par référendum jeudi, le 23 juin prochain. Et je suis allé au Royaume-Uni il y a quelques semaines encore, hein, pour préparer, pour faire des reportages dans la perspective de ce Brexit. Et j'ai rencontré un député écossais à Westminster qui m'expliquait qu'un Brexit aurait inéluctablement comme conséquence de ranimer le débat sur l'indépendance de l'Écosse et qui sait peut-être faire exploser le Royaume-Uni. J'imagine, Emma Russell, que vous allez plus que jamais voter la jeudi lors de ce référendum. Oui, absolument. J'ai déjà mon vote postal envoyé. C'est super important pour moi, mais je suis un peu divisée aussi. Pour moi, comme j'habite ici, je veux bien sûr rester en Europe, mais en même temps, ça va être assez étonnant peut-être que si on sort de l'Europe, ça va être vraiment intéressant de voir de ce qui se passe avec l'Écosse, parce que je pense que là, vraiment, l'Écosse va refaire un référendum et on va partir cette fois-ci de la Grande-Bretagne, mais joindre l'Europe. Ouais. Ça peut se passer. Donc, oui, pour moi, c'est mieux pour moi de rester avec l'Europe, mais il peut avoir aussi des autres conséquences que peut-être je deviens vraiment écossais cette fois-ci. Ah oui, avec un nouveau passeport, oui, c'est ça. Une histoire pour touristes, il n'y a pas plus de bêtes sur l'île Noire que sur le dos de ma main. Mais oui, enfin voyons, ici personne n'y a jamais cru, ce sont des incontables. Hein? Un petit sourire pour la photo, des photos qu'on a mises en ligne d'ailleurs sur lapremière.be et sur la page Facebook de ces Belges du bout du monde. On va terminer l'émission en vous demandant vos projets, évidemment. Tout d'abord, vous, Emma, vous travaillez pour l'instant pour une grande société américaine basée à Bruxelles, mais vous avez envie de voler de vos propres ailes, de créer votre petite entreprise? Oui, c'est bien ça. Donc, pour le moment, c'est pas la facture et de faire la rénovation, oui. Parce que ça coûte quand même de l'argent, de suivre nos rêves, mais dans un an ou deux ans, dès que la rénovation est faite, on va bien sûr lancer l'école culinaire là-bas, et une table d'hôte, un gîte et un potager. On peut apprendre des choses et utiliser les vrais produits, ouais. À servir des gens. Vous ferez plutôt de la cuisine belge ou de la cuisine écossaise? Entre les deux, on peut. Je suis formée quand même comme chef ici en Belgique. Je suis allée au Seria et on peut faire mon diplôme de restauration. Donc même, c'est un peu plutôt français-belge, mais toujours avec des produits super frais. Et ça, c'est important. Et je pense que ça, c'est la partie vraiment de nourriture écossaise. C'est des produits frais. Dans une ancienne ferme à Boussu-Gottechin, voilà. En Brabant wallon, on vous souhaite bonne chance. De votre côté, Jean-Pierre Robinet, toujours des projets dans The Old Forge? Oui, bien sûr. La Old Forge a fait un petit cette année, puisqu'on a ouvert des Old Byre, donc la vieille grange, après la vieille forge, la vieille grange du village, qui accueille maintenant 6 snugs. Les snugs sont des chambres particulières de 2 à 4 personnes qui savourent un espace commun avec un pit stove, c'est-à-dire un four dans lequel on brûle de la tourbe. Et les gens, évidemment, nous rejoignent le soir à la forge pour leur dîner, puisque c'est dinner, bed and breakfast. Alors, les snugs connaissent un grand succès, on en a 6 pour l'instant. Bon, le but, ce serait de recueillir une autre venue à un autre endroit et de pouvoir agrandir la famille des Snugs pour accueillir un peu plus de monde au niveau logement. Très bien, on pourra venir faire une échappée belge chez vous à bicyclette. Alors, si vous pouvez loger tout le peloton, je m'inscris déjà. Ça donne envie, hein, Olivier Henrion. Cette émission m'a donné faim. Oui. Prochaines expéditions pour vous en Europe, c'est prévu? Dans quelques jours, je pars au Royaume-Uni pour couvrir justement le référendum sur le Brexit. Oui, 23 juin, donc on vous suivra en direct sur la première. Merci beaucoup, Maria Mallard. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons en Grèce, non pas pour parler du Grexit, on aurait pu, mais on va parler là aussi grand voyage sur les îles grecques avec nos Belges du bout du monde, Savas Varnavas et Nadine Deltan. Je vous laisse le mot de la fin à tous les deux. Emma et Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez envie de dire avant de prendre congé de nos auditeurs? Moi, je vais faire plaisir à Emma parce que j'aimerais aussi la rencontrer. Donc, je vais dire qu'elle est évidemment la bienvenue dans the remotest part of mainland Britain, mais aussi je vais lui dire un petit mot qu'elle va très vite comprendre, c'est Slangeva. Ça, c'est très bien fait. En fait, je suis super jalouse de où vous êtes et j'ai vraiment hâte de venir vous rencontrer. Bien sûr, faire le trek pendant deux jours. Et c'est une parole d'Ardennais, ça ne se négocie pas, donc tu dois venir nous rendre visite avec ton époux. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Merci vous deux. Si cette émission vous manque ou si vous l'avez manqué, vous pouvez la récupérer. Elle est mise en onde par Paul Michel et elle est sur rtbf.be/ovio. Dans quelques instants sur la première, le journal parlé de 10h. Ensuite, Alain Gerlache avec les décodeurs RTBF. La première. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Le temps des guinguettes au domaine provincial de Chevetogne. Venez vivre les plaisirs simples d'une fête populaire à l'ancienne. De guinguettes, de la musique, de la danse, des jeux du théâtre de rue, des joutes nautiques, un marché du terroir. Les samedis 25 et dimanche 26 juin de 11 à 18 heures. Infos sur domainedechevetogne.be. Avec votre journal 7 dimanche et la bière La Chevetogne. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Le coffret du concours Reine Elisabeth de piano 2016 est déjà disponible. Retrouvez les lauréats qui vous ont offert de grands moments d'émotion pendant cette session exceptionnelle. Lukas Vondracek, Henri Kramer, Alexander Beyer, mais aussi Alberto Ferro, le prix Musique 3. Un coffret 4 CD en vente partout et sur la boutique RTBF. Le soir présente les nouvelles bilingues. Edgar Allan Poe, Dickens, Virginia Woolf. 30 livres CD pour réveiller votre anglais. Avec une sélection de nouvelles en version originale, leur traduction française et un CD pour travailler votre accent. Dès ce vendredi 17 juin, Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville, 1 euro seulement. Les numéros suivants chaque samedi avec le soir. Bernard adore écouter. Thomas est plutôt... Bernard aime. Thomas, lui... Mais tous les deux travaillent pour la STIB, les transports publics de Bruxelles, le plus grand employeur de la ville. Trouvez le job de vos rêves parmi 300 métiers différents sur jobs.stib.be. La STIB. La première présente. Franchir le portail ciselé de fleurs, voir jaillir la lumière à travers les vitraux, entendre craquer les parquets marquetés, effeuiller les roses qui ornent les salons. En mots, en musique, faire la guinguette au jardin tout l'été. À Mons, découvrir la maison Losso, un joyau de l'art nouveau. Info, maisonlosso.be. Une initiative de la province de Hainaut. Il est 10h. Et pour les infos, on retrouve Nathalie Devic. Bonjour. Bonjour à tous. Au Royaume-Uni, la campagne pour ou contre le Brexit reprend trois jours après le meurtre de Joe Cox. Les leaders politiques avaient suspendu toutes leurs interventions suite à la mort de la députée pro-européenne. Ils reviennent sur les plateaux télé aujourd'hui et d'après les sondages, Simon Bourgeois, dernier sondage en tout cas, la donne a changé. Les partisans du maintien semblent reprendre la main. Oui, jeudi dernier, les partisans de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe avaient une petite longueur d'avance. Hier soir, premier sondage depuis la mort de Joe Cox. La tendance s'inverse. Le in est repassé devant. 45% pour rester dans l'Europe, 42% pour quitter l'Union. Les lignes ont donc bougé depuis la mort de la députée pro-européenne, mais il n'y a pas forcément de cause à effet. D'après le responsable d'un institut de sondage, cette inversion des courbes démontre bien plus une peur des conséquences économiques qu'une réelle réaction à ce meurtre. Et puis surtout, les partisans du in et du out se tiennent toujours dans un mouchoir de poche et ce ne sont toujours que des sondages. Rien n'est joué. Pour le moment, c'est l'incertitude qui l'emporte. Les pour et les contre ont encore 4 jours pour convaincre. La campagne reprend aujourd'hui. Les Britanniques votent jeudi. Et ce dimanche, place au second tour des municipales en Italie, dans de nombreuses grandes villes comme Milan, Naples, Bologne. Un scrutin à haut risque pour le gouvernement, à Rome surtout, la capitale où le parti populiste du comique Beppe Grillo, le mouvement 5 étoiles, pourrait remporter la mairie à la barbe du candidat de gauche, soutenu par Matteo Renzi. Pas de résultat attendu avant 23h, l'heure à laquelle les Italiens finiront de voter. La CIA estime aujourd'hui qu'il n'y a aucune preuve de lien entre le groupe terroriste État islamique et le tueur d'Orlando, alors même qu'il s'en était revendiqué et que Daesh s'était empressé également de son côté de revendiquer la fusillade dans la discothèque gay. C'était il y a une semaine, elle a fait 49 morts et de nombreux blessés. Finalement, hier soir, 3 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt après les 40 perquisitions menées dans la nuit de vendredi à samedi. 3 hommes inculpés de tentative d'assassinat. Le juge les soupçonne d'avoir préparé des attentats dans notre pays. Bruxelles était à nouveau visée. Tous 3 connaissaient les kamikazes du 22 mars et les enquêteurs ont intercepté des conversations téléphoniques, évoquant notamment l'écran géant installé sur la place Rogier à Bruxelles pendant le match des Diables hier. Au total, il y a eu 12 interpellations. Les 9 autres suspects ont été relâchés. Gros plan à présent sur une activité toujours bien présente sur de nombreux sites en Europe et dans le monde, l'activité minière. Au-delà du charbon, des mineurs continuent en 2016 d'extraire de la lignite, du fer, du cuivre, du plomb, du lithium et du charbon. L'exposition qui a ouvert ses portes hier soir au Bois du Casier à Marcinelle rend hommage à tous ces hommes. Luciano Arcangeli. 60 ans après la catastrophe du casier, des mineurs continuent malheureusement d'être victimes de terribles accidents partout dans le monde. La catastrophe de Soma en Turquie qui a fait 301 victimes en 2014 en est un exemple. Et dans cette exposition, les photos de ces deux événements communiquent la même douleur, la même détresse. Alain Forti nous parle de l'expo. La couleur d'un côté pour Soma, le noir et blanc pour Marcinelle, mais exactement les mêmes situations. Les gens agrippés au gris, les corps qu'on remonte, la visite d'officiels. C'est exactement les mêmes photos et on s'est dit là il y a quelque chose à faire. Il faut voir si la mine a évolué. Le charbon a encore, si je peux dire, un bel avenir devant lui. Cette exposition fait également appel à de grands photographes qui sont partis sur les sites, là-bas, très loin, en Turquie, en Ukraine ou en Mongolie. Mineurs de charbon, douleurs de charbon. L'exposition démontre que 60 ans après la catastrophe du casier, dans certains pays, rien n'a changé. Jean-Louis Delatte, directeur du Bois du Casier. Et malheureusement, aujourd'hui dans le monde, les mêmes choses se passent. Et en tant que citoyens du monde, nous pouvons agir, en tout cas être sensibilisés à cette situation. C'est la volonté du Bois du Casier, site de mémoire reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, à travailler dans ce sens. L'exposition ouvrira ses portes et sera accessible jusqu'au 11 décembre prochain sur le site du Bois du Casier à Marcinelle. Après la belle victoire des Diables Rouges hier face à l'Irlande, et certains auront encore besoin de toute la journée pour s'en remettre, place dès ce soir au dernier match couperet. Chaque équipe va disputer son troisième match. La France, pays hôte, est déjà qualifiée, mais elle veut terminer en tête de son groupe pour avoir un meilleur parcours ensuite. Elle jouera contre la Suisse à 21h à Lille, tout près de chez nous. La France, où l'on veut désamorcer l'affaire du vrai-faux bras d'honneur de Paul Pogba, et où l'entraîneur Didier Deschamps va peut-être faire tourner son effectif. On écoute le gardien et capitaine Hugo Loris. Le plus important, c'est que je sens 23 joueurs concernés. Comme vous avez pu le constater lors des célébrations des buts, on sent vraiment un groupe uni. Après, il y a toujours, oui, un souci de fraîcheur, mais l'objectif numéro un, c'est de gagner cette rencontre, de terminer à cette première place, et il faut le faire. Lorsqu'on a un statut dans ce groupe, il faut répondre aux attentes, donc il faut finir le travail. Ce soir, il y a aussi Roumanie-Albanie. Les deux équipes doivent gagner si elles veulent passer le cap. Et d'ici là, d'ici ce soir, eh bien, on vous souhaite une belle journée. Nous, Alain, ce sera pour mercredi. Bon, il nous reste un peu de temps pour nous remettre la tête à l'endroit, si c'est possible. Mais j'étais sage. Je suis allé dormir tôt pour bien préparer mon émission. C'est voilà. Très bien. On a hâte d'écouter ça. Et on va décoder, alors, justement. Oui, en effet. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. La première. 10h, 11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF avec Alain Gerlache. Après l'attentat d'Orlando, des médias ont évité de mentionner son caractère homophobe. Que révèle cette forme d'autocensure ? Avec le rachat de LinkedIn par Microsoft, les réseaux sociaux vont-ils désormais conquérir l'environnement professionnel ? Les bloqueurs de pub sont de plus en plus présents sur les smartphones et ça inquiète les éditeurs de presse. Total rachète l'Empiris et des clients se rebellent. Les consommateurs deviennent-ils les gardiens des valeurs des marques ? Vous écoutez les décodeurs RTBF, le magazine qui prend le temps de décrypter l'actu du web, des médias et de la communication. Nous sommes en direct sur la première. 10h, 11h, les décodeurs RTBF sur la première. Et vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur Facebook, les décodeurs RTBF, et sur Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF. C'est sans doute une des déclarations les plus médiatisées de la semaine. Pas besoin de beaucoup de mots pour faire le buzz, surtout quand c'est Donald Trump qui parle de la Belgique. So Belgium is a beautiful city. A Alors la gaffe de Donald Trump a suscité pas mal de réactions aux États-Unis, hein, à commencer bien sûr par les partisans de sa rivale démocrate Hillary Clinton et aussi chez nous. Et il y a un détournement qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, c'est celui de Brussels Airlines qui s'est présenté comme la compagnie aérienne officielle de la ville de Belgique, en ajoutant qu'elle assure des vols vers Francetown, Englandville, etc. Une fausse pub qui a été abondamment partagée par les internautes. Kim Dannen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable des réseaux sociaux de Brussels Airlines. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Vous avez voulu faire le buzz, mettre les Belges avec vous, vous donner une image cool? C'est ça que vous avez essayé de faire? Ben, en tant que compagnie aérienne nationale de la Belgique, c'était assez marrant de voir que ce que M. Trump avait dit. Donc, on ne pouvait pas manquer de faire une petite blague sur les réseaux sociaux. On trouvait ça très marrant de le post qu'on a fait sur Facebook. Mmh. Mais en même temps, on dit toujours que c'est risqué de toucher à la politique. Hein. On dit souvent d'ailleurs que sur les réseaux sociaux, c'est comme lors des repas de famille, il faut éviter la religion et la politique. Oui, c'est vrai. Comme Marc, on veut toujours éviter de se mêler dans la politique. Mais ici, c'était pas très politique ce qu'il a dit. Donc, on croyait que c'était marrant et qu'on avait le droit de le faire. C'était trop tentant, quoi. Oui, il n'y avait pas de risque. C'est voilà. Alors, c'est une des lignes de force de votre activité sur les réseaux sociaux. Hein. Vous suivez l'actualité de façon un peu décalée. On l'a vu aussi lors du match, par exemple, Belgique-Italie, où vous avez interpellé vos collègues de la compagnie Alitalia. Oui, en effet. Ben, nous sommes la compagnie officielle des Diables Rouges. Donc, c'est un fil rouge. On est partenaire de tout ce qui est belge. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment jouer sur notre belgitude, comme on appelle ça. Mais en premier lieu, nos réseaux sociaux sont vraiment aussi des canaux pour donner des services aux gens. Mmh. Donc, nos passagers peuvent nous contacter sur Facebook, sur Twitter. Et on va répondre. On a une équipe qui répond à tous leurs soucis, à toutes leurs questions. On peut même réserver un vol via Facebook et Twitter. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, comme toujours, et c'est le cas pour toutes les entreprises, et en plus quand c'est un peu bousculé comme actuellement, il y a en effet des critiques, des remarques, des gens qui ne sont pas contents. Et alors, le fait d'avoir d'autres choses, des images, des trucs plus décalés, ça vous permet aussi que ce soit plus agréable et un peu de dégayer l'atmosphère. C'est ça que vous voulez faire, ne pas être simplement un fil officiel qui donne des informations de façon sèche et où il y a plein de réclamations? Oui, c'est ça. Donc sur ce réseau, on peut se permettre d'être un peu plus relax avec les passagers, donc de parler d'une façon un peu plus informelle. Donc ça nous permet de vraiment avoir une communauté autour de notre marque et donc d'augmenter notre notoriété de marque. Ça, c'est important pour nous. Donc en même temps, c'est une plateforme de service à la clientèle, mais aussi une plateforme où on peut être vraiment en contact avec eux. Donc c'est vraiment réciproque. Donc oui. Normalement, le marketing, c'est juste en une direction. Et ici, les gens nous parlent. Donc ils parlent avec nous, ils parlent avec des gens. Donc ils sentent qu'il y a des personnes derrière une marque. Et ça, c'est très important. C'est ça qui est important, c'est d'être à la fois utile et sympathique. Voilà, oui, c'est ça. Mais aussi, on l'utilise pour informer les gens. Mmh. Par exemple, après les attentats de 22 mars, on a utilisé Facebook et Twitter vraiment comme canal de communication, donc de leur informer de tout ce qui se passe et de leur donner des updates sur la situation. Eh bien, merci Kim Dannen, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Orlando, en Floride, il y a exactement une semaine, l'attaque contre un club gay fait des dizaines de victimes. Un homme a tiré à bout portant dans une boîte de nuit à Orlando. Bilan 50 morts et 53 blessés. C'est la fusillade la plus meurtrière qu'aient jamais connue les États-Unis. Omar Mateen avait 29 ans. C'est lui qui a semé la terreur la nuit dernière dans cette boîte de nuit réputée pour son engagement envers la cause gay. Fallait-il, oui ou non, qualifier l'attentat d'Orlando d'homophobe? La question a été posée suite à certains silences de médias, de responsables politiques, de chefs religieux. Selon certains, cette invisibilisation trahit la persistance de discrimination à l'égard des homosexuels. Pour d'autres, l'attentat visait avant tout des êtres humains et le mode de vie des sociétés libres, les cibles connues des islamistes. La référence à l'homosexualité dans les médias, un vrai ou un faux problème, nous allons en parler avec nos invités. D'abord, Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Culture, vous êtes au téléphone avec nous depuis Paris. Alors, lundi matin, votre revue de la presse a suscité pas mal de réactions. Vous y avez fustigé le fait que pas un seul gros titre de la presse de l'Hexagone ne mentionnait que la cible du tueur d'Orlando était un club homosexuel. Et vous dites, c'est un peu comme si au lendemain des attaques de Charlie Hebdo, la presse avait évoqué des attentats contre des bureaux ou après l'hypercacher contre un supermarché, sans préciser la nature de la cible de l'attaque terroriste. C'est quoi le problème pour vous ? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas un seul grand titre de la presse nationale, puisque le quotidien Sud-Ouest, qui tient un certain nombre d'exemplaires, a mentionné, et c'était le seul journal à mentionner dans ses gros titres, je précise bien, dans les gros titres, donc dans les faits d'affichage, la nature homophobe de cette attaque. Mentionner le fait que cette attaque a eu lieu contre un club gay, ça n'a rien d'une revendication communautariste ou d'une volonté de discrimination entre guillemets positive, c'est juste décrire les faits tels qu'ils se sont passés. Et avec ce rappel tragique dans l'actualité le lendemain, avec le meurtre de ces deux policiers, pas une seule seconde, il n'est envisageable qu'on puisse titrer sur deux personnes tuées sans mentionner le fait qu'ils soient policiers. Donc c'est exactement la même chose pour Orlando. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour les médias nationaux français de titrer un terroriste a ouvert le feu dans un club gay, et si on va un tout petit peu plus loin, dans un club gay latino. Donc, il y a plusieurs étages dans l'horreur, si on ose dire, mais pour revenir à cette absence de référence de la plupart des titres de la presse, du moins sur leur première page, est-ce que selon vous c'est un hasard, c'est une expression de leur inconscient, ou bien c'est un choix réfléchi ? Alors, c'est très difficile à définir. Moi, je ne crois pas que ce soit un acte volontaire, dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait un secrétaire de rédaction ou un rédacteur en chef qui ait dit à un moment donné « retire cette mention parce que pour X ou Y raison, c'est gênant ». Cacher cet homosexuel que je ne saurais voir, c'est ça. C'est ça. Je pense en revanche que ça montre tout à fait le problème qu'il y a en France autour de la question communautaire. Qu'est-ce que c'est que le communautarisme ? Le communautarisme, on voit bien aujourd'hui que c'est un argument électoral en France, principalement utilisé par la droite et l'extrême droite, pour stigmatiser une forme de repli communautaire, identitaire, etc. Réfléchissons donc à ce que c'est qu'une communauté. Une communauté, c'est quoi ? Ce sont des gens qui se retrouvent ensemble par affinité d'ethnie, de religion, de sexualité, bref. Ce sont des minorités qui se retrouvent ensemble et qui, a priori, s'aident pour pallier les problèmes liés à la discrimination des minorités. Donc, il y a une question et une réflexion autour de ça à avoir, dans le sens où, aujourd'hui, quand on dit communautarisme, on est voué aux gémonies, c'est l'horreur, c'est le communautarisme, c'est le mal. Pas du tout. Et c'est bien ce problème-là, à mon avis, qui est stigmatisé par cette gêne, qui est en fait une sorte de refouler les difficultés qu'on peut avoir de gestion vis-à-vis des problématiques homosexuelles en règle générale. Oui, parce que ça s'est retrouvé. De ce que j'appelais l'invisibilisation. Oui, voilà. Ça s'est retrouvé aussi chez des responsables politiques, des responsables religieux qui sont intervenus. Est-ce que vous pensez que ça dit finalement quelque chose sur l'état de la France, notamment vis-à-vis aussi de l'homosexualité, dans la mesure où, par exemple, dans la presse belge, la situation n'a pas été similaire, et on sait, par exemple, que le mariage gay, qui a précédé celui introduit en France d'une dizaine d'années, n'a pas du tout posé les mêmes problèmes chez nous. Est-ce que c'est un problème strictement français à la lecture de ce qui s'est passé ? Manifestement, il y a un problème en France, en tout cas, c'est indiscutable. D'ailleurs, c'est ressorti cette fin de semaine. On a vu une polémique autour de la minute de silence qui a été tenue autour de la Coupe de foot de l'Euro 2016, la minute de silence pour les deux policiers assassinés, alors qu'il n'y a pas eu de minute de silence pour les 50 gays, lesbiennes et trans qui ont été assassinés à Orlando. Donc, il y a une gêne résiduelle et qui pose effectivement une question sur cette gestion dans les médias et dans l'espace public de la question et de l'intégration des communautés homosexuelles et des communautés et des minorités en règle générale. Ouais. Ça relève d'une forme de refoulé, de difficulté à savoir comment gérer cette problématique de l'intégration des minorités sexuelles dans la société. Nicolas Martin, merci. Merci à vous. Et nous accueillons maintenant Laura Calabrese, spécialiste de l'analyse du discours et titulaire de la chaire de communication multilingue à l'Université libre de Bruxelles, et François Massou-Fouillin, porte-parole de la Rainbow House et la maison arc-en-ciel des associations, dans nos studios à Liège. Merci de nous avoir rejoints pour élargir la discussion qui, on l'a entendu, concerne bien plus que les médias français. En tout cas, lors de sa visite à Orlando, le président Obama a quant à lui été tout à fait explicite. This is an especially heartbreaking day for all of our friends, our fellow Americans who are lesbian, gay, bisexual or transgender. Laura Calabrese, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Nicolas Martin qui parle d'invisibilisation des homosexuels, des gays, dans la couverture de l'attentat fait par la presse française lundi dernier? Alors je pense qu'il a raison sur le fait de se pencher sur les catégories qu'on utilise pour nommer un événement, parce que ce qui est en jeu est notre vision de l'actualité, l'interprétation de l'événement, et donc finalement sur le long terme, notre interprétation de l'histoire. Donc c'est pas la même chose de dire que c'était un crime islamiste ou un crime homophobe. Dans la première dénomination, on se focalise sur le terroriste, alors que si on dit que c'est un crime homophobe, on va se focaliser sur les victimes. Alors, si vous me posez la question, est-ce qu'il est important de se focaliser sur les victimes? Bon, là, je ne peux pas répondre en tant que linguiste ou analyste des discours médiatiques. En tant que citoyenne, je pense oui. Mais en même temps, est-ce que ce qui est sous-jacent n'est pas justement, on fait une différence entre les victimes? On n'hésite pas à nommer des victimes juives ou bien des journalistes, mais par contre, lorsqu'il s'agit de personnes homosexuelles, alors là, on est plus hésitant parce que ça recoupe une sorte de gêne. Oui, c'est bien possible. Le mot gay et d'autant plus, enfin encore plus, le mot lesbienne sont des mots qui circulent mal dans notre société, qui est pourtant une société assez ouverte. Oui, je pense qu'on a du mal à nommer certaines minorités. Maintenant, est-ce que cela divise la société, le fait de segmenter en groupe? Je pense que prétendre que nous sommes tous pareils ne va pas cacher le fait que nous ne sommes pas tous égaux face à la loi et face aux représentations sociales. Donc, pour moi, il est important de nommer les groupes qui sont victimes de violences. François Massou-Fouillin, vous êtes porte-parole de la Rainbow House à Bruxelles, la maison des associations LGBTQI. Vous êtes dans nos studios à Liège. Est-ce que vous avez aussi eu cette perception qu'il y avait une sorte de malaise dans la façon dont les médias, et peut-être aussi d'autres, des responsables politiques, des associations, des représentants religieux, ont parlé de cet attentat à Orlando? Mais je pense que pour la presse belge, pas vraiment en fait, parce que de manière générale, on a nommé les choses de façon assez précise. Certains ont été relativement prudents, ont attendu un petit peu avant vraiment de mettre en avant l'intention réelle du criminel. Et donc du coup, je pense que c'est plutôt une question qui se porte à l'international. Même si effectivement on peut sentir parfois cette forme de malaise, et je crois que vous soulignez bien la réalité en utilisant ce terme, parce que ce qu'il faut prendre en considération, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que malheureusement encore en 2016, les questions LGBTQI ne sont pas considérées par tout le monde comme relevant des droits humains tout court. C'est encore un débat, une discussion où on est pour ou contre. Quand on voit les manifs pour tous, les conséquences que ça a eues dans les débats, je crois que clairement c'est la réalité. Et donc d'une certaine manière, je pense que sans vouloir faire de procès d'intention aux différents médias qui n'ont pas nommé les choses, il faudra peut-être leur poser la question, mais on peut émettre la supposition qu'il y a un malaise où à la fois on doit absolument parler de cet événement qui est incontournable, c'est un attentat, tout de même c'est un acte de terreur, mais dans le même temps on a peut-être peur de nommer trop pour ne pas être taxé de partisans, par exemple, au niveau de la communauté LGBT. Et donc je crois que ça a pu se faire très clairement ressentir Mais d'une certaine manière, Laura aussi soulignait une autre question qui était de dire, tiens, est-ce qu'il faut vraiment nommer les choses? Est-ce qu'il faut se focaliser sur l'attention? Et je crois qu'en fait, en Belgique, on assiste plutôt à cela. Donc à savoir que l'on va vraiment focaliser toute l'attention sur l'aspect victimaire, des victimes plutôt de cet acte-là. Mm-hmm. Et ce qui a aussi des conséquences certainement négatives au niveau de la communauté LGBT, puisque là, on va tout simplement accroître le sentiment d'angoisse, les craintes sécuritaires au niveau de cette communauté LGBTQI. Mais je pense quand même que le fait de ne pas nommer, c'est une faute, et c'est aussi une faute journalistique assez importante, parce que du coup, on ne répond pas au véritable travail journalistique de parler des faits, de parler de ce qui est établi. Or, clairement, aujourd'hui, c'est établi qu'il s'agit davantage d'un acte clairement homophobe. Laura, vous partagez cette réaction de François Massot-Foulien ? Alors, moi, en tant qu'analyste de discours médiatique, je ne sais pas si je dirais que c'est une faute de la part des journalistes. Par contre, ce que je pense, que l'action des associations est très importante pour alerter, justement, oui. Donc, les journalistes, ils ont des réflexes, ils ont des protocoles pour écrire l'actualité. Et parfois, ils écrivent très vite, parfois pas. Je ne dirais pas que c'est une faute journalistique, nécessairement, mais je pense que les journalistes doivent ouvrir leurs oreilles et être conscients, une fois qu'on les a alertés, dire « Ah oui, effectivement, il y a ici un collectif qui a été rendu invisible, et ça, c'est important. » Mais en même temps, il y a eu une réaction, François Massot-Foulien. On a vu aux États-Unis, sur les réseaux sociaux, pas mal de gens faire leur coming out justement en réaction à cet attentat, en disant « Je ne peux plus me taire, je ne peux plus vivre dans l'anonymat, je ne peux plus tromper mes amis, mes parents, mes proches. » Oui, ben je pense que quand il y a un drame d'une telle ampleur, il y a des réactions de solidarité très importantes. Donc il y a cet effet coming out, cet effet de solidarité. Il y a eu énormément de rassemblements aussi autour de cela. Et effectivement, c'est une réaction qui ne m'étonne pas et qui ne peut pas être invisible, je pense, pour les journalistes et pour la presse au sens large. Mais alors prenons un peu la question autrement, François Massot-Foulien. Est-ce qu'à force de distinguer les gens en fonction de leur orientation, de leur caractère sexuel ou de genre, est-ce qu'on ne souligne pas finalement des différences qui peuvent, du coup, encourager les discriminations? On est tous humains, après tout. Vous parlez de communauté LGBTQI, hein, qui signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe. Est-ce que finalement, vous n'excluez pas les seuls qui restent, c'est-à-dire les hétérosexuels? Ben, effectivement, il y a quand même une balance, hein, qui est parfois difficilement évaluable. Et c'est vrai que, je disais tout à l'heure, que quand on insiste, par exemple, sur le caractère homophobe d'un tel drame, que l'on arrive jusqu'à émettre des hypothèses, y compris dans la presse, que la communauté LGBT est en danger plus que les autres maintenant, qu'il y a des risques supplémentaires, qu'il faut protéger les LGBT, eh bien, je pense que c'est un réflexe qui est tout à fait négatif pour la communauté LGBT elle-même, parce que du coup, il y a dans cette volonté de victimiser une stigmatisation qui se fait et un effet de peur qui se généralise du coup. Il ne faut pas de concours de celui qui est le plus victime. Voilà, il faut surtout éviter ça. Et c'est ce qu'on rappelait lors du rassemblement que nous organisions à Bruxelles en hommage aux victimes d'Orlando mardi dernier. C'est ce que nous rappelions, nous disions, ce sont des citoyens et des citoyennes qui ont été assassinés ce jour-là. Gardons cela à l'esprit pour être solidaires de façon globale et pas se focaliser uniquement sur une communauté en particulier. Eh bien, merci François Massot-Foulien, porte-parole de la Rainbow House, la maison arc-en-ciel à Bruxelles, et Laura Calabrese, spécialiste de l'analyse du discours à l'ULB. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise. I think it's pretty. And je suis ce que je suis. C'était Gloria Gaynor. Vous écoutez Les Décodeurs sur la première. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. C'est l'un des deux rachats qui ont fait beaucoup parler d'eux cette semaine, l'autre étant celui du fournisseur d'électricité Lampiris par Total, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais d'abord, le rachat du réseau professionnel LinkedIn par Microsoft pour le montant de 26 milliards de dollars. Alors pourquoi ce rachat? Est-ce le signe que les réseaux sociaux vont désormais conquérir l'environnement professionnel? Nous en parlons avec Alexandra Giroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes Internal Communications Manager, responsable de la communication interne auprès des mutualités libres. Et Gilles Coissio, vous êtes journaliste à Trends Tendance. Gilles, d'abord, on plante le décor. LinkedIn, c'est donc un réseau social. C'est un des premiers qui est arrivé chez nous, d'ailleurs. Et il est plutôt axé sur le monde de l'entreprise, c'est ça? Voilà, alors tout à fait. Alors aujourd'hui, LinkedIn, c'est 433 millions d'utilisateurs dans le monde, donc c'est quand même quelque chose de considérable. Et comme vous le disiez, c'est vraiment axé sur les entreprises, sur les recruteurs aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font en lien avec le recrutement sur LinkedIn. C'est vraiment un réseau professionnel où on va y met plus son diplôme que ce qu'on a mangé à midi, hein. Exactement, on y met son diplôme, son expérience professionnelle, ses compétences, et on va essayer d'entrer en contact avec des personnes dans son réseau professionnel. Et pourquoi Microsoft paye 26 milliards de dollars pour acheter LinkedIn? Alors ce qui intéresse essentiellement Microsoft, c'est justement ses utilisateurs, hein, 433 millions d'utilisateurs, c'est quelque chose de très intéressant. Donc on a évalué ça à environ 60€ par profil, hein, donc par utilisateur. Donc votre profil, mon profil, vaut apparemment 60€ pour Microsoft. Donc pourquoi? Eh bien parce que dans ce profil, eh bien, il y a un certain nombre de données qui sont évidemment très intéressantes pour Microsoft sur notre expérience. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, justement? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Eh bien, il y a une possibilité de mixer toutes ces données avec celles qu'ils ont déjà sur les utilisateurs grâce à leurs outils comme Windows, hein, qui est installé sur un nombre de PC très important dans le monde, comme vous le savez. La suite Office aussi, avec Word, avec Outlook, avec Excel. Il y a plus d'un milliard de personnes dans le monde qui sont connectées avec ces outils Microsoft. Eh bien, LinkedIn va pouvoir s'agréger, si vous voulez, avec ces outils-là et améliorer votre carnet d'adresses. Alors, Alexandra Giroux, les réseaux sociaux commencent quand même à être petit à petit utilisés en entreprise. Oui, effectivement, ils sont de plus en plus utilisés. Auparavant, on était plus dans un modèle où c'était le CEO, le comité de direction, la communication qui avait une voix. Et maintenant, de plus en plus, c'est chacun qui est un ambassadeur en externe de son entreprise, mais qui peut aussi avoir une voix en interne. Et alors, pratiquement, ça peut être utile pour quelles activités ou pour quels projets d'entreprise? Il y a toute une série d'usages. On n'a pas le temps ici de tous les détailler. Je vais vous donner un exemple concret. Aux mutualités libres, après les attaques de Bruxelles, on a utilisé le réseau social d'entreprise interne Yammer. Qui appartient aussi à Microsoft, oui, d'ailleurs. Oui, tout à fait, effectivement. Il l'avait racheté en 2012. Mm-hmm. Donc, ça fait effectivement partie aussi des outils qu'il propose. Et donc, cet outil a été très utile pour utiliser le covoiturage. Donc, les personnes qui font partie de l'organisation se sont organisées pour rentrer. On imagine bien sûr qu'avec l'email, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que c'est une plateforme qui permet de discuter entre soi, un peu comme Facebook d'ailleurs, mais adapté au secteur de l'entreprise. Oui, tout à fait. On va avoir toute une série de discussions professionnelles qui vont pouvoir avoir lieu sur ce type de réseau. On peut également noter que pour l'entreprise, c'est une aide pour le recrutement, parce qu'en externe, les employés vont pouvoir partager des offres, montrer la vie de leur employé. Et par rapport à ça, c'est vraiment une aubaine en termes de ressources humaines. Mmh. Gilles Coissio? Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui manquait à Microsoft, hein, c'est la composante sociale. Hein. On sait que tous les géants du web aujourd'hui essayent d'avoir cette composante de relation entre les utilisateurs. C'est évidemment très important. Et c'est donc pour ça vous, c'est une très bonne opération pour Microsoft. C'est une opération en tout cas qui amène une certaine synergie au niveau de l'entreprise, en tout cas au niveau de ces produits qui sont axés sur les utilisateurs et sur les carnets d'adresses. Je veux dire, c'est ce que Microsoft essaye de faire avec toute une série de rachats dernièrement. Alors, on a parlé du rachat de Nokia, mais c'est quelque chose d'un petit peu différent. Ils ont fait des rachats qui sont un petit peu plus discrets, notamment l'application Sunrise, qui est une application de calendrier connecté, qui a d'ailleurs été créée par un Belge. Une application aussi qui s'appelle Accompli, qui est une application plutôt liée aux adresses e-mail. Ici, avec LinkedIn, c'est vraiment sur le carnet d'adresses qu'ils vont jouer. Mais c'est vrai, c'est une opération extrêmement chère. Alexandra Giroux, ça veut dire que ça change quand même la façon dont les gens sont intégrés dans l'entreprise. Ils ne sont plus là uniquement uniquement devant des outils, mais devant un environnement social qui les met en relation avec la direction, avec le management, mais aussi les uns avec les autres. C'est une façon de faire évoluer l'entreprise d'une façon plus participative, plus sociale, entre guillemets. Oui, tout à fait. On est vraiment dans une démarche où on peut travailler à haute voix, où on peut partager son savoir, où on peut demander du feedback. C'est très riche pour chacun. Mais il y a quand même un point d'attention, c'est que c'est comme si vous installez demain une nouvelle imprimante au bureau. Bah, il faut avoir des compétences pour pouvoir gérer ces outils. Donc, les formations, la sensibilisation, c'est aussi quelque chose qui est essentiel. Et donc, ça veut dire, Gilles Coistiot, qu'il faut axer les choses sur la formation, sur l'évolution de l'entreprise et faire participer davantage les travailleurs à ces évolutions. Non, c'est vrai que ces nouveaux outils, il faut que chacun arrive à les comprendre, à les appréhender. Et aujourd'hui, LinkedIn, est-ce qu'il est vraiment déjà utilisé en entreprise? Je ne suis pas tout à fait sûr. Mm-hmm. C'est encore quelque chose de relativement personnel qui va nous permettre peut-être éventuellement de chercher des offres d'emploi en extérieur de notre propre entreprise. Donc, est-ce que ça expose l'entreprise aussi, évidemment. Voilà, est-ce que les entreprises elles-mêmes peuvent utiliser mieux cet outil? Et c'est vrai qu'avec Microsoft, qui est très présent dans le secteur des entreprises, c'est leur plus gros client, ce ne sont pas les particuliers, ce sont les entreprises, ils vont peut-être pouvoir utiliser ce réseau social de manière plus adéquate. Mais d'où la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la vie privée? Est-ce que ça ne va pas exposer encore davantage les employés, les travailleurs au contrôle du management? Alexandra Giroux. C'est aussi pour ça que les réseaux sociaux doivent s'inscrire dans une démarche plus large. Le travail libéré, le nouveau monde du travail, ça, ce sont des genres de programmes qui mettent la confiance au centre. Et c'est extrêmement important que le management puisse faire confiance aux personnes qui sont dans l'organisation, parce que de cette manière, ils vont pouvoir tirer vraiment profit des réseaux sociaux pour eux et pour leur organisation. Gilles Coistiot, on voit bien qu'il y a derrière ce rachat une nouvelle forme d'entreprise et de gestion de l'entreprise qui est en train de naître. Alors effectivement, peut-être, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, quelque chose de plus social, de plus connecté, de plus en relation avec les différents employés. Mais ici, effectivement, ce qui pose question par rapport à la problématique de la vie privée, c'est tout ce business autour des données, puisque c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est ça qui intéresse ici Microsoft, c'est ce qu'on va publier sur LinkedIn, c'est toute notre expérience professionnelle, c'est toutes nos tout ce qu'on met à disposition des autres utilisateurs, ce sont des données qui sont monétisables, comme on dit dans le jargon des géants du web. Et c'est ça qui vaut énormément d'argent. Et c'est pour ça que Microsoft met 26 milliards de dollars sur la table. Finalement, on en revient à la question que l'on pose chaque fois à propos des réseaux sociaux. On voit l'intérêt, on voit les potentialités. Et on se demande où sont les garde-fous, Alexandra Giroux. C'est ça la question, la limite quelque part. Oui, il faut savoir se poser ses propres limites parce que c'est comme avec Facebook. Facebook, c'est devenu une régie publicitaire. Amazon, quand vous vous connectez sur le site, vous avez des suggestions qui correspondent parfaitement à vos centres d'intérêt. Donc il faut être conscient de ça et il faut pouvoir se protéger. Gilles Coistiot, même conclusion? Ben oui, tout à fait. Voilà, alors ici, c'est surtout un énorme deal, effectivement, pour Microsoft. Et voilà, comme on le disait, c'est quand même beaucoup d'argent. Et il faut savoir aussi que LinkedIn est une entreprise qui, aujourd'hui, n'est pas rentable. L'année dernière, ils ont encore fait 370 millions de dollars de pertes. Donc, il faudra voir dans le futur s'ils arrivent à réaliser et à concrétiser cet investissement, parce qu'ils ont déjà connu quelques échecs, notamment avec Nokia, notamment avec Skype aussi, qui et n'a pas rencontré le succès. Et comment il va être rentabilisé, bien sûr. Alexandra Giroux, Gilles Coistiot, merci beaucoup. Tout à l'heure, nous reviendrons donc sur un autre achat, celui de l'Empiris par Total, qui suscite pas mal de réactions chez les clients. Ça se passe sur la première. Midi 13h30. La grande tranche d'information de la mi-journée qui vous donne la parole face à des experts. Société, politique belge et internationale, actu économique et financière. Donnez votre avis, posez vos questions, échangez vos idées aux côtés de Fabienne Van de Merch dans Le Forum. Midi 13h30. C'est midi première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. La première, la 2 et le Conseil de la musique présentent le village de la fête de la musique. Les 18 et 19 juin, retrouvez-nous au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire, Bachar Markhalifé, Dan San, Max Romeo et plein d'autres. C'est gratuit. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam Fort Culture, Sud Presse et Grand Casino Brussels Village. La première présente l'exposition Michel Jamsin, Frères humains, à Mons. Découvrez le parcours de ce peintre figuratif de la région montoise. Personnages monumentaux ou en couleur, photoromans ou encore peinture cellulosique. Aux anciens abattoirs jusqu'au 28 août. Info abattoir.mons.be. Une organisation de la ville de Mons avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 10h-11h. Les décodeurs RTBF sur la première. Il est 10h37, nous sommes en direct sur la première. On retrouve Frédéric Brébant pour sa séquence Tendance Pub. Frédéric, bonjour. Bonjour Alain. Alors, on va s'intéresser avec vous au phénomène des ad-blockers, ou en français, on doit souvent traduire des choses en français dans cette émission, les bloqueurs de publicité. Ils sévissent sur Internet, mais on va d'abord rappeler ce que c'est qu'un bloqueur de pub. Oui, je ne vais pas vous faire un dessin. Hein. Quand vous surfez sur Internet... À la radio, ça ne marche pas. Voilà. Effectivement, vous êtes pollué par la publicité. Hein. Il y a ce qu'on appelle des pop-up qui apparaissent, hein, dont des écrans publicitaires, et puis il y a toutes les annonces traditionnelles que vous avez sur le côté lorsque vous naviguez, c'est assez dérangeant. Et pour lutter contre ça, des petits malins ont développé, il y a quelques années déjà, des logiciels capables d'occulter les messages publicitaires pendant la navigation sur les sites internet, comme ça, ça vous permet de surfer tranquille. Le phénomène des ad-blockers est apparu il y a quelques années déjà. Le logiciel le plus célèbre, c'est AdBlock Plus. Et ce bloqueur, comme d'autres, rencontre de plus en plus de succès. Il y a 6 ans, on ne comptait que 20 millions d'utilisateurs de logiciels anti-pub dans le monde. L'année passée, la société PageFair, qui est spécialisée en la matière, en a recensé 200 millions uniquement sur PC et sur ordinateur portable. Et le manque à gagner pour le secteur, eh bien, il est évalué à 22 milliards de dollars en 2015, parce qu'une pub qui n'est pas vu, eh bien, effectivement, ce n'est pas de rémunération pour les éditeurs de presse en ligne. Or, le business model, c'est celui-là, c'est proposer du contenu gratuit contre une page de publicité. Et si l'équilibre est rompu, ben, tout le modèle économique est menacé. Alors, vous l'avez dit, hein, jusqu'ici, c'était plutôt sur les ordinateurs. Mais enfin, on sait que le smartphone remplace oui, de plus en plus l'ordinateur. Et donc, forcément, ben, les bloqueurs de pub se retrouvent aussi sur les smartphones. Et ça inquiète les éditeurs de presse. Effectivement, hein, de nouveaux chiffres viennent de tomber, toujours par la société PageFair. La menace des logiciels anti-pub se répand à présent sur les écrans de smartphones. Et les nouveaux chiffres de PageFair l'attestent, il y aurait 2 fois plus d'utilisateurs d'adblockers sur smartphone que sur PC et sur les ordinateurs portables. Donc, très exactement, il y a 420 millions de téléphones dits intelligents qui seraient équipés de bloqueurs de pub dans le monde. C'est un nombre 10 fois plus élevé qu'en 2010. Et donc, si on fait la somme de tous les supports, hein, on est à plus de 600 millions d'appareils équipés de ad-bloqueurs dans le monde. C'est énorme. Et pour les experts de PageFair, le milliard d'utilisateurs devrait être atteint à moyen terme. Mais ça concerne surtout l'Asie. Pourquoi est-ce que c'est localisé là ? Mais effectivement, hein, c'est les derniers chiffres livrés par PageFair démontre que le phénomène de l'ad-blocking n'est pas le même sur tous les continents. En Europe et aux USA, sur les smartphones, il ne concernerait que 14 millions d'utilisateurs, sur un total de 420 millions, je le rappelle. Et donc, effectivement, l'Asie est championne. Hein. Plus de 350 millions d'utilisateurs sur smartphone utilisent les bloqueurs de pub. Et c'est surtout 3 pays, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, qui à eux seuls trustent 75% des bloqueurs de pub sur téléphone portable. Alors, pourquoi ? C'est très simple. Dans ces 3 pays, le smartphone est souvent le seul moyen d'accès à Internet, surtout pour la jeune génération. Ils n'ont pas de PC, ils n'ont pas d'ordinateur portable, alors qu'en Europe, la culture du PC et de l'ordi portable est toujours bien ancrée. Et donc, dans ces pays émergents, la navigation sur le web se fait quasi exclusivement sur smartphone auprès des jeunes. Bon, et il faut savoir que le temps de téléchargement des pubs sur mobile est très long et que les jeunes préfèrent donc diminuer leur facture de consommation de data en installant des logiciels anti-pub, CQFD. Ça explique le succès. Les chiffres de PageFair le disent. En Inde et en Indonésie, il y a plus de 60% de propriétaires de smartphones qui ont un logiciel anti-pub, alors que chez nous, en Europe et aux États-Unis, c'est seulement 1 à 3%. On est donc très loin, mais la menace est bien réelle. Mais comment réagissent les différents acteurs de l'industrie publicitaire et les éditeurs de presse en ligne? Parce que, comme vous l'avez dit, ça ne fait pas leur affaire. Hein. Voilà, ça dépend un peu de quel côté de la barrière on se trouve. Hein, même si ces différents acteurs sont bel et bien liés, les éditeurs de presse en ligne, ils sont dans une logique qui est davantage ancrée sur le contenu. Donc ils essayent de faire soit des actions de sensibilisation de leur modèle économique en disant « acceptez de grâce la pub parce que sinon on ne peut plus vous proposer de contenu gratuit ». L'autre logique, c'est de dire « écoutez, ok, si vous ne voulez pas de pub, alors notre contenu sera payant ». Et c'est une tendance qui grandit dans le monde de la presse en ligne. Hein. Chez nous, on a de plus en plus de zones dites « plus » sur les sites internet d'info. Et puis l'autre arme technologique, c'est d'essayer aussi de bloquer les utilisateurs de bloqueurs de pub. Et là, on est un peu dans la guéguerre technologique. De l'autre côté, les publicitaires, les annonceurs, là on essaie une autre réflexion. On essaie de maintenir la pub évidemment, mais le phénomène des adblockers a secoué le secteur. Il y a eu un mea culpa de l'Organisation internationale des différents acteurs de la publicité sur Internet, hein, l'IAB, qui reconnaissent que la pub est trop agressive, ils ont été trop loin, elle est trop intrusive, trop de pop-up, trop de flicage, donc trop de pub finalement, et qu'il est grand temps de réagir, de revenir à une pub plus intelligente, plus pertinente, plus discrète, bref, plus acceptable. Donc il y a un vrai travail de réflexion à ce sujet qui se fait aujourd'hui dans l'industrie publicitaire pour endiguer le phénomène des adblockers et donc de maintenir finalement cet équilibre d'un modèle économique qui peut préserver les intérêts de chacun. C'est une affaire à suivre donc. En effet, merci Frédéric et vous restez avec nous pour le débat suivant. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. J'ai choisi cet opérateur parce qu'il est vert et il est belge. Et pour moi, ça avait vraiment de l'importance, autant au niveau écologique que local. Je me renseigne pour l'instant pour savoir quel autre opérateur propose la même chose, mais sans vendre son âme au diable. You're the devil in disguise. Je ne pense pas qu'on vend notre âme au diable. On s'inscrit dans un Total du futur. Total a mis le climat au centre de sa stratégie. Ils s'alignent avec le COP 21 et on s'inscrit là-dedans. C'était une cliente de l'Empiris et Tom Van Kruis, le CEO du fournisseur d'électricité verte liégeois, dont le rachat par le géant pétrolier Total a fait la une de l'actualité cette semaine. Et pas seulement dans la chronique économique, parce que ce qui est intéressant, ce sont les réactions outrées de clients et la tempête sur les médias sociaux. Ils ont littéralement focalisé l'attention. Alors qu'est-ce que ça nous dit de la perception des marques et de leurs engagements aujourd'hui? Est-ce que les consommateurs sont devenus les gardiens des valeurs qu'elles affichent? Eh bien, nous en parlons avec Baudouin Velge, bonjour. Bonjour. Vous êtes Managing Partner au bureau de consultance en communication Interrail. Nicolas Van Der Beest, bonjour. Bonjour. Observateur des réseaux sociaux à l'UCL. Et Frédéric Brébant, vous, je ne vous dis pas bonjour, parce que c'est déjà moi fait. Non plus. Voilà. Alors, Baudouin Velge, on va dire que vous avez une certaine expérience de la vie des entreprises en Belgique. Hein. Ce n'est pas si fréquent, ce genre de levée de bouclier massif comme ça. Non, et je crois qu'effectivement, et on l'a entendu, Tom Van Kruis, l'Empiris a été, et je crois Total aussi, très surpris de la réaction. En étant invité à l'émission, en réfléchissant un tout petit peu, je crois que la presse classique a joué un rôle important là-dedans. Vous avez entendu que la cliente a repris l'âme vendue au diable. Mmh. Or, ça, c'était le titre que le soir, Béatrice Delvaux a donné à son article sur le sujet. Et je pense que quand quelqu'un d'aussi connu, aussi respecté que Béatrice Delvaux lance ça, eh bien, c'est très crédible, d'autant plus repris. Et alors, évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la blogosphère qui s'en empare et on a vu qu'il y a des centaines de réactions, ce qui est vraiment assez étonnant pour ce genre de sujet. Alors, Nicolas Van Der Beest, on ne va pas jouer à qui a commencé, mais est-ce que vous pensez, en effet, que ce qui a fait l'impact de cette vague de protestation, c'est cette espèce de conjonction entre les médias sociaux, les médias classiques et peut-être aussi des responsables politiques qui sont intervenus? Oui, moi je pense que c'était global, c'est-à-dire c'est pas dire la presse a joué le rôle ou les réseaux sociaux ont joué le rôle ou alors Jean-Claude Marcourt a joué un rôle. Je pense que c'est surtout dans la façon dont ils ont écrit leur histoire que là ils se sont fameusement plantés. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une telle levée de bouclier qui est effectivement très très rare pour ce genre d'information, c'est-à-dire un licenciement ou un achat. Mmh. En général, ça provoque très peu de réactions, c'est très peu connu par la majorité des gens, etc. Là, je pense vraiment que c'est parce qu'ils ont jamais... Ils n'ont pas accompagné leur info, quoi. C'est juste Total achète l'Empiris et après on fait ce qu'on veut avec et on écrit l'histoire qu'on veut, on met le miroir, le framing, on dit en anglais, mm-hmm. Qu'on veut. Et donc là, pour moi, c'est surtout l'Empiris qui a raté son histoire. Et alors là, on pouvait écrire tout ce qu'on veut et après pour rattraper, réécrire une histoire, c'est trop dur. Mais en même temps, pour l'Empiris, il y avait quand même un problème, c'est que c'est le genre d'information dont on ne peut pas parler avant qu'elle ne soit conclue, Benoît Velge. C'était même pire, puisque le Standard, Pascal Dendoven, bien connu, oui. des gens du métier, a sorti l'information il y a une avant, fuite. Avant oui. l'information. Ils ont été doublement pris de court. Et donc, ils se sont trouvés dans cette situation épouvantable d'avoir une information correcte, en fait déjà connue des autres journalistes, mais qui, eux, étaient sous embargo, qui n'était public, je crois, à 11h du matin. Et donc, ils n'ont rien dit du tout pendant des heures où, effectivement, l'information partait. Et donc, le problème, c'est qu'une fois que l'information est partie, que le ton est donné, pour l'Empiris et Total, par après, dire autre chose, ça devient inaudible. Et on le voit bien sur les réseaux sociaux. Les réponses, parce qu'ils ont répondu à peu près à toutes, les personnes qui ont dit quelque chose, chaque fois, les gens leur disent, écoutez, vous êtes bien sympa, les gars, mais on vous croit pas. Et puis, de toute façon, vous dites ce qu'on vous dit de dire. En plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que lorsqu'il y a une rupture d'embargo, eh bien, journaliste très fâché, hein. Ça joue et ça a évidemment créé un climat de tension là autour. On est dans un monde de concurrence où la rapidité est tributaire du nombre de clics qui sera généré ensuite. Donc voilà, je pense que ça crée effectivement des tensions. Moi, ce qui m'interpelle le plus dans cette histoire et pourquoi ça a généré autant d'émoi sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on est dans un schéma traditionnel d'affrontement entre un petit pousset, l'Empiris, wallon, étiqueté vert, durable, qui se fait manger par un ogre mondial, qui a une image de pétrolier. Mmh. Et donc, quelque part, on touche aux valeurs qui sont incarnées par l'Empiris et à cet engagement auquel a souscrit toute une communauté de consommateurs qui se disent, eh bien là, je me sens floué. Et donc, je réagis parce que je m'approprie cette marque, elle me correspond, je suis wallon, je suis vert, entre guillemets. Et là, tout d'un coup, ben, on m'intègre dans un groupe mondial qui veut faire du profit et qui a une image de pétrolier. En tout cas, l'Empiris est au taquet parce qu'ils viennent de réagir sur Twitter. Et il y a un tweet qui dit « Nous avons été surpris par le retentissement de l'annonce et les moments entre défenseurs, détracteurs de notre marque. » Et puis le hashtag « Love Brand » suivi bien sûr de LDC RTBF Nicolas Vanderbist. Un commentaire ? Oui, un commentaire. C'est-à-dire que là, c'est d'abord réagir par rapport au fait que même si on ne peut pas divulguer l'information, en général, on crée ce qu'on appelle une task force, c'est-à-dire un truc où les gens sont dans la confidence, on prépare des matériels de communication. Une fois que l'info est sortie, on a tout. Là, il n'y avait rien. Oui. Franchement, si vous regardez le post sur Facebook, c'est très succinct. On a l'impression qu'ils viennent d'apprendre l'info. Là, ça ne va pas. Par contre, ils sont très réactifs sur Twitter. Ça se voit encore ici, maintenant. Donc là, de ce côté-là, ils font la bonne chose. Ils font le job. Ensuite... ils ont créé, c'est-à-dire un territoire de marque, une plateforme de marque, avec évidemment belge, vert, moins cher. Et là, bah, tout d'un coup, bah, tout ce que vous avez dit pendant des années, etc., vole en éclats, puisque cette baseline, donc ce qui est la plateforme de marque, saute d'un coup. Et donc forcément, c'est logique que les clients se disent « Mais vous nous avez dit ça pendant 5 ans, et maintenant, voilà, on n'a plus rien. » Ça vole en éclats. Pourquoi le rachat de l'Empiris par Total a-t-il eu un tel écho dans l'opinion ? Nous en parlons avec Baudouin Velge, managing partner au bureau de consultance en communication Interrel, Nicolas Vanderbist, observateur des réseaux sociaux à l'UCL et Frédéric Brébant, journaliste à Trends Tendance. Alors, Baudouin Velge, on a beaucoup parlé de l'Empiris hein, qui trahirait ses idéaux. On a moins parlé de Total, mais pour Total, racheter l'Empiris, c'était aussi une opération de com'. C'est plus qu'une opération de com. Je crois que Total, comme beaucoup de pétroliers d'ailleurs, a très bien compris que l'énergie de l'avenir, ce n'est pas, ou en tout cas pas exclusivement, les hydrocarbures. Mmh. Alors ils ont investi effectivement assez massivement ces dernières années dans le solaire d'une part, ils ont racheté un producteur de batteries qui permet de stocker l'énergie discontinue qui vient des éoliennes ou du solaire, et il est clair que ceci, le rachat de l'Empiris, qui pour eux est un marché qu'ils ne connaissent pas, la distribution d'énergie ne fait pas partie au sens premier des tâches que Total avait jusqu'à présent, et donc fait certainement partie de cela. Et c'est en ça que, en fait, je trouve que la communication a été déficiente, parce qu'on dit ce n'est plus local. Mais si on y réfléchit deux secondes, Total était de très loin le meilleur rachat possible pour l'Empiris pour rester local. Parce que comme Total n'est pas dans ce métier, un rachat par quelqu'un d'autre, Eneco par exemple, aurait évidemment signifié des rationalisations entre Eneco et l'Empiris en Belgique. Ici pas. Donc le développement va être pour les 350 personnes qui vont rester telles quelles, plus sans doute un élargissement et voire international. Ils sont déjà en France, ils pourraient aller ailleurs. Et puis Total, en Belgique, c'était Petrofina. Mmh. Aujourd'hui encore, c'est 4500 personnes. Donc, ce n'est pas un petit employeur belge. Mais c'est passé belge. Complètement et ça, on en a pas au parlé. Second plan. Ouais, Frédéric Brébant, il y a un greenwashing de Total avec l'Empiris, quelque part? Oui et non. Greenwashing, rappelons... C'est pour ça que je parlais d'opération de com. Tout à fait, donc, la volonté de se donner une image un peu plus verte. Oui, tout à fait. Moi, je dirais oui et non. Le greenwashing, c'est ce positionnement vert qu'une entreprise peut adopter alors qu'elle n'est peut-être pas convaincue par l'écologie dans son propos. Donc, je dirais que oui et non, en termes de greenwashing. Non, parce que, M. Velge l'a rappelé, Total est déjà actif, entre guillemets, dans le vert. Hein. Ils sont propriétaires de SunPower, une entreprise qui fait des panneaux solaires. Ils viennent de racheter Saft pour 1 milliard d'euros, qui est un fabricant français de batteries. Donc, pour les stockages d'électricité. Donc, il y a une vraie réflexion sur le vert. Donc, non, pas greenwashing, mais oui, un petit peu, parce qu'ils savent très bien qu'en rachetant une entreprise comme l'Empiris, qui est terriblement étiquetée verte et durable, eh bien, ils viennent encore de le rappeler sur un tweet. Voilà, ça va leur porter bénéfice en termes d'image. Oui. On va les rendre un peu plus verts. Et donc, ça va contribuer. On ne voit ça que sous le prisme local belge, mais dans le monde, dans les relations internationales de Total, ils pourront claironner. On a racheté le vert, on investit dans la vente de gaz et d'électricité verte, au particulier, ce qui est nouveau pour eux. Alors, Nicolas, on le voit, l'Empiris, très bonne image, et puis en quelques heures, ça s'effondre. Total, dont on vient de rappeler qu'ils essayent quand même de modifier leur image à défaut de faire évoluer leur activité. On ne va pas entrer dans ce débat-là parce que ça nous mènerait trop loin. En même temps, on voit bien que cette règle connue, que des dégâts d'image, ça se fait en quelques heures, et que reconquérir, rendre une image plus positive, ça met parfois très très très longtemps. Bah ici, ça va être le premier chantier que l'Empiris va devoir faire, c'est-à-dire ils vont devoir reconstruire une plateforme de marque, donc avec des nouvelles valeurs, ou alors ils vont essayer de défendre, et là, bonne chance, les valeurs qui étaient celles de l'Empiris avant. Vous n'y croyez pas ? C'est jouable selon vous ? Pour moi, c'est possible que ça soit jouable, bien sûr, mais il faudra voir l'évolution long terme. Mais moi, je pense que il y a des gens qui ne sauront même pas que ça a été racheté, la majorité, je pense d'ailleurs. Parce que oui, certains clients. Voilà, en gros, franchement, ça parle beaucoup parce que c'est sur Twitter, c'est un public plutôt catégorie socio-professionnelle supérieure. Je ne suis pas certain que. Mais c'est ceux-là qui font peut-être plus attention. Qui prend son énergie, elle a juste regardé le moins cher sur un comparateur, elle s'en fout un peu. Donc, clairement, c'est plus un boulet au niveau de la communication qu'un boulet au niveau du business et de l'activité. C'est aussi votre analyse, Baudouin Velge, oui, un boulet pour la communication, mais pas nécessairement un impact massif et durable sur le business. Écoutez, ils ont 850 000 clients en Belgique. Il y a eu quelques centaines de réactions, ce qui est énorme, mais qui est quand même extrêmement faible par rapport à 850 000 personnes. Et donc, je crois qu'ils vont perdre des clients suite à ceci, indubitablement, mais je crois que la dynamique qu'ils pourront avoir avec la puissance de Total derrière eux pour relancer sera au niveau business sans doute bien meilleure, même si je crois que la communication au niveau de leur image, ils vont certainement y être attentifs, parce que quand vous regardez leur site aujourd'hui, et on le voit dans la réaction, leur image est quelque chose d'extrêmement important. Donc je ne peux pas imaginer que cette entreprise va dire « je m'en fous, maintenant je suis parti avec mon business et mon image, je m'en fous, ça je ne crois pas ». D'autant plus qu'ils ne sont pas aidés par leurs alliés verts, entre guillemets. Greenpeace, très vite, a fait des posts en affichant sur le web des fichiers de comparateurs d'énergie verte en disant « voilà, il y en a 9 autres en Belgique, des fournisseurs crédibles, disent-ils ». Oui, il y a une bataille commerciale derrière. Voilà, l'air de dire « il faut quitter l'empirisme parce que vous êtes trahi ». Et ça a été relayé, hein, je pense à Jean-Marc Nollet, écolo, qui a tout de suite retweeté le tweet de Greenpeace, en prenant un acte politique, en disant « eh bien, changez de fournisseur, allez à la concurrence ». Nicolas, la bataille de la com n'est pas finie. C'est-à-dire que là, moi, je trouve ça quand même un peu magique, c'est-à-dire que Jean-Claude Marcoux, c'est quelqu'un qui est très peu actif sur les réseaux sociaux, à part pour montrer là où il va, et là, concrètement, on sait très bien qu'il y a eu des acheteurs ou des autres acheteurs pour l'Empiris, dont Netis. Et là, on a vu Jean-Claude Marcourt qui agissait très rapidement. Donc pour moi, il a bien joué le coup. Pour une fois, il a été très très bon sur Twitter. Mais évidemment, il y a des batailles dans les coulisses, clairement. Et même Greenpeace, on peut même discuter. Parce que, c'est-à-dire que Greenpeace agit aussi et, au niveau des coopératives, surtout en France, dans le Nord. On sait que l'Empiris a aussi des clients. Et donc, tout le monde a finalement quelque chose derrière. Donc voilà. Eh bien, merci à vous. On suivra encore les évolutions qui ne manqueront pas de venir. Baudouin Velge d'Interrel, Nicolas Van der Bist du CL et Frédéric Brébant, journaliste à Trends Tendance. Les décodeurs, vous le savez, c'est tous les dimanches sur la première à 10h. C'est aussi à la télé avec Florence Henault dès 11h15 sur la Une. Alors Florence, qu'y a-t-il au programme aujourd'hui ? Ben, pas de foot au programme de l'émission, mais on est content quand même du résultat d'hier. Ce midi, par contre, on va revenir sur la tuerie de Orlando aux États-Unis pour le papa d'Irsan Jarfi, ce jeune homosexuel assassiné à Liège en 2012. Ce massacre a en air de déjà-vu. Son fils aussi a été tué pour ce qu'il était, fondamentalement. On recevra Hassan Jarfi à table. On l'a vu cette semaine, parmi les frappadingues qui assassinent, certains le font pour des raisons politiques. Jo Cox, une jeune députée travailliste, a été assassinée parce qu'elle se battait pour que la Grande-Bretagne ne quitte pas l'Union européenne. Et c'est entre autres pour parler du Brexit que nous recevrons en fin d'émission Guy Verhofstadt. Le débat portera sur la sécurité des policiers. Ils sont visiblement des cibles pour les terroristes. Doivent-ils être mieux protégés, se protéger eux-mêmes? Et un, et deux, et trois sujets. Ben voilà, comme ça j'aurais quand même un peu parlé de foot. Incognito caméléon. Vous pouvez nous retrouver sur www.lapremière, sur Facebook et sur Twitter avec le mot-clé LDC RTBF. Rediffusion de cette émission à 21h et en permanence sur RTBF Ovio. C'est Jonathan Remy qui réalise les décodeurs de la première. C'est sa dernière édition aujourd'hui avant la saison prochaine. Et donc, merci beaucoup à lui pour les conseils, les discussions et le fait qu'on s'est quand même pas mal amusé en travaillant sur cette émission. On se retrouve donc à 11h15 sur la première, c'est dans quelques minutes, et puis la semaine prochaine sur la une, sur la première à 10h. Très bon dimanche à tous et à bientôt. La première. Et vous, comment vous faites pour connaître la quantité d'électricité verte que vous recevez ? Dis chérie, la lumière elle est de quelle couleur quand j'allume ? Ben blanche. Ah bon, et là ? Ben noir. Et c'est maintenant ? Blanche. T'es sûr, c'est pas un peu vert ? Non, c'est blanc. Et maintenant ? Noir, blanc, noir, blanc. Votre contrat vous garantit un pourcentage d'électricité verte ? Brugel vous le certifie. Rendez-vous sur brugel.be, faites le green check et vérifiez si vous recevez l'électricité verte prévue. Brugel, le régulateur bruxellois pour l'énergie. Arte Belgique est la première présente... Beaux-Arts Expo. Le mur de Berlin a aussi été un mur entre les artistes. Beaux-Arts présente un aperçu des plus importants courants artistiques des deux côtés du rideau de fer. Action painting, art médiatique ou conceptuel. Facing the future jusqu'au 25 septembre. Info Beaux-Arts. Beaux-Arts.be. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Bleu Blanc Mag, c'est de l'actu droite au but, des rires et du direct avec Benjamin Dosseninck et toute sa joyeuse équipe. Retrouvez-nous tous les jours pour Bleu Blanc Mag, le magazine de l'euro. À 17h10 et 20h10 sur la 1 ou la 2. La première. Il est 11h. Annie Naméus avec vous, bonjour. La campagne pour ou contre le Brexit reprend aujourd'hui au Royaume-Uni. La parenthèse décrétée après le meurtre de la députée travailliste Jo Cox se referme. On ignore si ce décès va influencer les intentions de vote, mais de nouveaux sondages montrent une inversion de tendance. Les partisans du maintien dans l'Union seraient repassés en tête dans deux sondages. Un troisième donne le pro et anti-Brexit à égalité. Il reste aux uns et aux autres 4 jours. Pour convaincre. En Grande-Bretagne, Julian Assange entame aujourd'hui sa 5e année de réclusion à l'ambassade d'Équateur. L'homme qui a publié les Wikileaks, il y a trouvé refuge il y a 4 ans pour échapper à une extradition vers la Suède. Il est accusé de viol en Suède, un viol qu'il nie. Julian Assange refuse de se rendre en Suède de peur d'être extradé vers les États-Unis où il pourrait se voir reprocher la publication de 50 000 documents classés secret défense sur l'Afghanistan et l'Irak. À l'occasion de ces 4 ans de réclusion, des manifestations de soutien sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes européennes, Paris, Milan et Berlin notamment, en présence de plusieurs artistes qui le soutiennent. On vote aujourd'hui dans 126 communes italiennes et donc aussi dans les grandes villes comme Naples, Turin ou Bologne. 9 millions d'Italiens vont se déplacer aujourd'hui, mais tous les regards se tourneront vers Rome où Virginia Raggi, candidate de l'inclassable mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo, pourrait l'emporter. Elle affronte à Rome le candidat de centre-gauche Roberto Giacchetti, soutenu lui par le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Chez nous, un incendie s'est déclaré cette nuit au centre de demandeurs d'asile de Saint-Aude dans la province de Luxembourg. Le centre a dû être évacué mais il n'y a heureusement aucun blessé. L'origine de l'incendie est a priori dû à un problème électrique. Enfin, la planète foot continue à tourner. La France joue ce soir contre la Suisse à Lille. Pas trop de soucis en vue pour le pays hôte de la Coupe d'Europe. Dès avant ce 3e match, la France est déjà qualifiée, mais elle espère bien ce soir terminer en tête de son groupe. Toute l'info est sur rtbf.be. Bonjour et bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute de la première ou de RTBF International. Et bonjour aussi à toi André. Bonjour Jeannine. Oui, c'est l'équipe NUIR qui assure aujourd'hui les commentaires de la messe du 12e dimanche dans l'année C. Messe qui vient de débuter ici dans l'église Saint-Géry de Braine-le-Comte par la procession d'entrée conduite par le célébrant du jour, Monsieur le chanoine Giorgio Tessolin, vicaire épiscopal du diocèse de Tournai. Une célébration qui sera pour chacun.